On peut continuer, il est 19h11 minutes ici à Casablanca. La Bible est où? La Bible est où? Bonsoir à Casablanca. Bonsoir. Bonsoir à Casablanca. Bonsoir. Donc on peut continuer, n'est-ce pas? Oui. Après cette pause, tu ferais bien t'asseoir. Assieds-toi maintenant. Il fait. C'est pourquoi il est venu. Viens t'asseoir ici. Assieds-toi ici, voilà. Assieds-toi, tu écoutes. Tu écoutes la parole. Hein? Okay. Et mon téléphone, ça chauffe. Hein? Ça fait depuis que c'est né. Prions alors, prions. Prions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le temps que les femmes débarrassent la table, ou bien, on prie, d'accord? Moi, assieds-toi, il n'y a pas de problème, assieds-toi. Père, nous te sommes reconnaissants encore pour ces moments que tu nous donnes. Depuis ce matin, tu nous as permis de passer ensemble dans la communion, dans ta voix. Merci Père pour cette pause, merci pour ta grâce, merci pour ta magnificence, merci pour tes faveurs. Et nous recommandons ce moment entre tes mains. Nous recommandons notre frère qui prend la route pour Rabat, que tu le couvres et tu le guides jusqu'au retour. Père, nous nous soumettons entre tes mains, nous comptons sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais faire un bref résumé de ce que nous avons vu depuis cet après-midi ici jusqu'à maintenant là. Et puis on va continuer là, parce que les questions ne sont pas encore finies. Il peut aller. Donc, à l'entrée ici le matin, trois questions ont été posées. La première question était de savoir quelle est la différence entre l'adoration que nous devons avoir vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ par rapport aux hommes de Dieu aujourd'hui. Parce qu'on voit effectivement que les hommes de Dieu sont manifestement en train d'être adorés au lieu qu'on adore le Créateur, celui qui nous suit. La question reste debout. La deuxième question qui avait été posée maintenant, c'est de savoir. Si le juste, en partant des Psaumes chapitre 11, le verset 3, que si le juste, le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? Et nous sommes allés dans la Bible pour essayer de répondre à cette question. On va y revenir maintenant dans le cadre des briefings et du résumé avant de continuer. La troisième question qui était sous-jacente à cette autre question, c'était de savoir, l'autre sœur a posé la question, à la lecture de la Bible, à la lecture du Nouveau Testament, elle est frappée par le comportement manifeste de l'amour que vivaient les premiers croyants. Et donc, elle a vu donc, à ses apôtres que les gens vivaient en communion. Personne n'osait dire que quelque chose lui appartenait en propre. Elle se pose donc la question, est-ce que le même christianisme, on est censé vivre cela ou bien un style de christianisme? Autrement dit, est-ce que chaque époque a sa part de christianisme? Alors, elle se pose donc la question si, oui ou non, on peut vivre comme ça. Et toutes les questions qui sont liées. Voilà donc les trois questions qui ont permis de développer dans la première partie de cette journée ce que nous avons vu. Pour ceux qui n'avaient pas été là. Que Dieu vous bénisse. Alors, en guise de réponse, nous avons commencé par le psaume 119. Nous avons commencé par le psaume 119. En lisant au verset 9, nous avons vu que le psalmiste pose la question là-bas, que comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Puis on répond, en se dirigeant d'après ta parole. Nous voyons donc une similitude est faite avec le psaume 119, verset 9, et le psaume 111, verset 3. Parce que dans le psaume 111, le psaume 119, verset 9, la question qui est posée est répondue directement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant? La réponse est tout juste là, en se dirigeant. Donc, là, on n'y a pas de réponse à chercher. On pose la question, comment, si je suis sur la terre, je vais marcher comme Dieu veut. Comment faire? La réponse est dans la Bible, en se dirigeant d'après sa parole. Et nous avons signifié que dans le psaume 119, verset 105 également, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, effectivement, la parole doit nous éclairer pour savoir comment nous allons marcher dans notre marche sur cette vie des mortels. Amen. Et donc, en équilibrant, en posant les deux psaumes sur une balance, on a vu que dans un psaume, la question est posée et est répondue, alors que dans l'autre, c'est posé et c'est non répondu. Donc, nous devons répondre à cette question-là. Et donc, nous sommes allés dans la Bible, en commençant par l'alliance que Dieu avait faite avec Israël. Nous avons vu que quand Dieu a donné la loi à Israël, en choisissant Israël comme son peuple, dans Deutéronome chapitre 4, que nous avons lu les deux premiers versets, il a donné l'ordre à Israël de veiller à obéir à ses lois, ses commandements et toutes les instructions qu'il leur a données, telles qu'il les a prescrits. Et après, nous allons aller dans le chapitre 28 en lisant les bénédictions y afférentes. C'est-à-dire que si Israël obéissait au commandement de Dieu en marchant comme Dieu veut, Dieu s'est donné l'engagement de le bénir sur toutes sortes de bénédictions. Et là, nous avons commencé à corriger certains fondements. Le verset 13 de Deutéronome 28, nous avons vu que il est dit que si tu écoutes ma voix, si tu obéis, je ferai de toi la tête et non la queue. Et nous sommes glissés là-bas pour dire, certains fondements ont été glissés. Et puis, les gens disent au milieu de l'église aujourd'hui en disant que confesse que je suis la tête et non la queue. Or, il n'est pas question de confession là-bas, comme nous avons vu, il est question d'obéir au commandement de Dieu. La fin du verset 14, avant que le verset 15 continue par les malédictions, au cas contraire que Israël n'obéirait pas sa parole, la fin du verset 15 nous dit, du chapitre 28 de Deutéronome, disait exactement qu'il ne faut pas qu'Israël quitte la loi et s'attache à des idoles, à d'autres dieux. Nous sommes allés dans les quatre chapitres dont je vous ai dit, en brossant les idées qu'ils étaient. 1 Roi chapitre 16, chapitre 17, chapitre 18. Nous avons vu effectivement qu'Israël va tomber sous Akab. Le roi Akab qui avait épousé une femme appelée Jézabel. Elle va ensorceler toute la province, tout l'état de la Samarie, au point où les prophètes de l'Éternel qui servaient l'Éternel avaient été détruits par l'épée. Et elle avait établi en lieu et place 450 prophètes d'une part et 400 de l'autre côté, dont 850 prophètes qui lui servaient d'intérêt dans son abomination. Et on comprend donc en territoire israélien où se trouvait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et Jacob, se trouvait en plein lieu de culte ou à d'autres dieux. Une idolâtrie qui a entraîné Israël à ne plus connaître quelle était la différence. Dieu va prophétiser donc par le prophète Élie et la famine qui devait avoir lieu. Et nous avons vu qu'au chapitre 18, verset 1, que Dieu, le moment de la famine arrivé, au terme de la sécheresse, Dieu va donner l'ordre à son serviteur d'aller proclamer. Et nous avons lu dans le chapitre 18, nous avons vu comment Élie a proclamé en disant, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Dieu veut dire, on ne peut pas marcher sur un même fondement et aller dans une autre dérive. Soit on est sur le fondement, soit on ne l'est pas. Amen. Vous avez, moi, je suis obligé de rappeler comme ça pour qu'on puisse voir là où on en est pour pouvoir continuer. Nous avons vu, parce qu'il faut qu'on réponde à la question de Psaume chapitre 11, verset 3. Quand le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? Il faut qu'on voie ce que le juste est censé faire. Nous avons vu dans cette confrontation qu'Élie a d'abord, premièrement, quoi? Il a bâti l'autel de Dieu, il a restauré l'autel de Dieu. Et la façon dont il a bâti l'autel, il a pris 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël, conformément à ce que Josué il avait fait quand il devait traverser le Jourdain en prenant 12 pieds pour déposer là-bas. Et Dieu lui avait révélé. Il a dit, c'est sous ta parole que j'ai fait ceci, ô Éternel. Et puis avant de finir, le feu était sorti du ciel pour consommer l'Holocauste, pour montrer que Dieu agresse là. Et il a dit donc à Israël que jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si Baal est Dieu, allez vers lui. Si c'est l'Éternel qui veut être Dieu, allez vers lui. Donc, et le peuple n'a rien dit. Lorsque Élie a prêché là-bas par rapport à la divinité de notre grand Dieu Sauveur, les gens ne comprenaient pas parce que les choses ont été mixées. En plein Israël, où ils avaient l'authenticité du vrai Dieu, ils avaient la loi des autres nations, ils n'en avaient pas cette loi-là. Ils se trouvaient en plein dans la confusion. Alors, au moment où les fondements sont dispersés, nous voyons effectivement que plusieurs voix s'élèvent et n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et je leur dis, cette phrase-là, chacun fait ce qu'il veut, gardez cela en esprit parce qu'on va y revenir. Dans cette deuxième partie, nous allons toucher ces choses en plein. Après avoir défini ainsi, nous sommes allés ensuite dans le Nouveau Testament en voyant cette même principe-là bosser dans le Nouveau Testament. Nous avons vu que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 11, a dit que Dieu lui a donné la grâce d'être comme un sage architecte. Il a posé le fondement comme un sage architecte. On voit donc que comme Moïse avait pris le soin d'imposer la loi à Israël et il dit de marcher sur cette base-là, l'apôtre Paul est aussi le Moïse du Nouveau Testament, c'est à qui Dieu a donné la base pour pouvoir fonder les chrétiens. Et sur ce, nous avons lu, il a dit aucun autre fondement ne peut plus être posé parce qu'il a déjà posé ce fondement. Et au chapitre 2 des Éphésiens, nous avons lu au verset 20 qu'il a cité en disant que les chrétiens sont bâtis sur le fondement qu'ils ont posé. Donc, il n'y a plus un autre fondement à poser. Je peux continuer dans le résumé. Par la suite, nous sommes allés voir dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 17, on dit que pendant des millénaires, il envoya chercher les anciens d'église à Éphèse pour qu'ils viennent. Là-bas, étant venu là-bas à Éphèse, il a commencé à leur dire qu'il faut qu'ils prennent garde de la manière dont ils ont reçu parce que bientôt, il va quitter la scène. Et sur cette parole-là, il leur a dit qu'il leur a annoncé tout le conseil de Dieu sans à rien cacher. Et cela nous donne l'assurance de comprendre que si un chrétien vient enseigner n'importe quoi aujourd'hui, Ça doit se reposer sur le fondement. En allant dans la Bible, on doit retrouver cela dans la Bible. Il n'y a plus rien de nouveau à ajouter, ni rien de quoi que ce soit à retrancher. Donc, le conseil a été annoncé totalement. Et nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 et 2, l'apôtre Paul dit que l'évangile qu'il a prêché et dans lequel on persévère, si on retient quel qu'il avait donné, autrement on aura cru en vain. Au verset 11, il dit que ce soit les autres apôtres, que ce soit lui, voilà ce qu'il prêche, c'est la même chose qu'il prêche, et c'est à ça qu'on a cru. Et pour confirmer cela, il a dit qu'il a reçu cela par révélation. Nous avons étudié Galates chapitre 1, le verset 6 à 8, puis le 11 à 16, où il dit, cet évangile qu'ils ont prêché est tellement parfait que eux-mêmes ne peuvent plus changer, même pas un ange ne peut plus changer. Et il a dit qu'il a reçu sa part par révélation, que le Seigneur Jésus lui a apparu lorsqu'il avait mis à part pour annoncer cet évangile-là. Il n'a pas monté pour aller consulter la chaîne, il n'a pas appris ça d'un homme. Donc, en clair, les premiers apôtres annonçaient la même chose et après avoir posé la fondation, ils ont laissé le relais à d'autres de continuer sur ces fondements-là. En répondant à la question, le fondement est renversé à quel moment? Lorsque les bases fondamentales, les principes qui ont été mis sur pied ont été bafoués. Donc, ça veut dire, pour savoir si le fondement est respecté, je dois aller dans la Bible, je vérifie si ce qu'on nous enseigne, c'est ce que la Bible dit. C'est pas ça, monsieur, ici. Par conséquent, nous avons pris un exemple ici par rapport à la dîme, par exemple. Nous avons vu que ce n'est pas dans le fondement chrétien. Parce qu'eux, ils n'ont jamais enseigné ça. Aucun chrétien de la Bible n'a jamais payé de la dîme. Donc, ça veut dire que c'est un faux fondement. C'est une mauvaise chose qui a été conçue au milieu des chrétiens, qu'il en est ainsi. Nous voyons effectivement qu'au milieu chrétien, aujourd'hui, on dit que quand on ne vient pas chez le serviteur de Dieu, les mains, même vides. On ne vient pas chez le prophète de Dieu, les mains, même vides. Vous allez dans la Bible et dans l'ancienne alliance, ce n'est pas ce que ça en dit. Donc, c'est un faux fondement. Il y a les gens qui ont introduit des sectes pernicieuses par cupidité pour essayer de trafiquer au moins des paroles trompées pour avoir de l'argent. Donc, la saine doctrine donc, est le fondement du principe chrétien des apôtres. C'est sur ça qu'ils vont commencer maintenant. La saine doctrine est le fondement du principe des enseignements des apôtres. La saine doctrine. Souvenez-vous de ces mots-ci. Saine doctrine. C'est là le principe et la base du fondement chrétien. Donc, avant de commencer donc, dans la deuxième partie du Nouveau Testament, nous avons commencé à voir dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Nous avons commencé au verset 19 jusqu'au 20, où le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Nous nous sommes arrêtés là-bas et commenté en disant, « Jésus, en quittant la scène, a établi ses disciples d'enseigner ce qu'il leur a prescrit. » Il n'a pas dit que chacun peut enseigner ce qu'il veut. Il a dit ce qu'il leur a prescrit. Et nous avons vu dans Jean chapitre 14 au chapitre 16 où j'ai cité, où il a dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne connaît pas et qu'il ne voit pas, mais vous le connaissez, vous l'avez vu et il sera en vous, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, Jésus leur avait donné une partie de la vérité et une autre partie devait être complétée et bien expliquée par le Saint-Esprit. Et l'une de ces vérités-là, c'est le but de la mission de Jésus-Christ et la façon d'entrer dans le royaume des cieux. Et nous avons vu effectivement comment l'apôtre Pierre a prêché aux Juifs à la première prédication chrétienne. Nous avons vu comment les gens ont eu le cœur vivement touché dans le verset 37 du chapitre 2 des Actes des Apôtres. Ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? L'apôtre Pierre, nous avons vu cela, n'est pas allé consulter les autres apôtres. Qu'est-ce qu'on va répondre ici? Je suis coincé. Or, il n'avait pas fait la théologie. Il n'avait pas fait l'école. Il n'est pas allé dire, allez voir à la maison, voir si vous avez des parrains, des marins, et faire les consulter les DJ. Non, non, non. C'est sorti de façon spontanée. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur de Dieu les appellera. Amen. À cet instant-là, ça marque la première prédication pour si quelqu'un veut entrer par le début de la vie chrétienne, c'est comme ça que ça commence. Comme l'apôtre Pierre dit, si on me pose la question, maintenant, comment faire pour devenir chrétien? Il dit, la question a été répondue. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Il n'y a plus rien à annoncer. Donc les prédicateurs, normalement les prédicateurs d'aujourd'hui devraient avoir la façon la plus simple pour prêcher. Parce qu'ils ont déjà tout écrit. Et j'ai cité ici le Proverbe chapitre 22, le verset 17 à 22, où il dit, n'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit tout ce qui est nécessaire pour toi, des conseils et des réflexions, afin que tu saches répondre à celui qui t'envoie. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut poser n'importe quelle question, vous me posez n'importe quelle question concernant Dieu, je vais me référer à la Bible. C'est pour ça qu'un prédicateur ne doit pas donner ses pensées. Vous dites, ok, qu'est-ce que tu penses des femmes qui enseignent? Je ne pense rien des femmes qui enseignent. Qu'est-ce que Dieu dit des femmes qui enseignent? Là, la question doit être répondue. Dans ce cas, on va dans la Bible. Cathy, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça arrête toute contestation. Tout ce que vous allez dire par la suite maintenant, sera pour vous. Est-ce que vous comprenez? Parce que quelqu'un va dire non, si elle enseigne, elle peut bénir les gens. Vous pensez que l'esprit, ça c'est votre problème. L'écriture a dit, toute écriture est inspirée de Dieu, est-il pour corriger. Donc il faut qu'elle soit corrigée avec cette écriture-là. Vous savez, n'est-ce pas? On peut avancer maintenant. Elle est remplie de cantiques là maintenant. Donc je crois que j'ai fait le résumé jusqu'à je me suis arrêté. Là on s'est arrêté. Frère, oui. Par rapport à la dîme, je pourrais poser une question. Pose toutes les questions que tu pourras poser, ma chère. Je ne sais pas si j'ai mal entendu, mais j'aurais dû entendre tout à l'heure que le coup. Normalement, la dîme, depuis le temps de. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, la dîme ne doit pas être payée. Il n'y a pas de dîme, en fait. On ne parle pas de la dîme. Si il me tient ici en disant qu'on ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas biblique, je ne peux pas avoir dit par cette bouche-là que la dîme n'est pas dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit, la dîme est dans une alliance bien déterminée. Et la dîme n'a jamais été prescrite pour le chrétien. Parce que la Bible déclare, en fait, l'une des choses à savoir, c'est ceci. Dans la Bible, lorsqu'on prêche, lorsqu'il y a un enseignement, il y a l'explication de l'enseignement et un exemple de cette application-là. Nous, on voit par exemple les gens qui ont été baptisés dans la Bible. Donc, on peut savoir comment on les baptise. Parce que si les catholiques viennent aujourd'hui en disant, on m'a baptisé en versant l'eau sur la tête. Y a-t-il un exemple dans la Bible que quelqu'un qui a été baptisé en versant l'eau sur la tête? Non, ça veut dire que lui, il a tort, la Bible a raison. Jésus, le premier, a été baptisé en étant plongé. Et tous les cas de baptême dans la Bible ont été en plongeant. Donc, ça veut dire que si quelqu'un vient aujourd'hui en disant n'importe quoi, c'est son problème avec Dieu. La Bible a déjà réglé le côté. Maintenant, j'ai cité Actes des Apôtres, chapitre 20, où l'apôtre Paul a dit que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Dans la Bible, aucun disciple, aucun apôtre n'a jamais prescrit quand on paye les dîmes et personne n'a jamais payé. L'une des choses qu'on va faire ici maintenant, c'est de savoir d'où c'est venu. D'accord? Donc, la dîme. Et en plus de ça, dans la Bible n'a jamais ordonné qu'on paye la dîme, même dans cette alliance, en argent. Il n'y a pas un endroit où on paye la dîme en argent. Ça ne se trouvait pas dans la Bible. C'est étranger. C'est parce que les gens ont introduit la cupidité au milieu de l'assemblée. Ils ont commencé à faire cela. Donc, si quelqu'un te tient devant toi maintenant, il parle, il dit que si tu touches 100 000 francs, 10 000 francs, c'est pour Dieu, tu peux le regarder face à face en disant que si tu es un menteur, sans en craindre quoi que ce soit par rapport à la colère de Dieu, parce qu'il était menteur. La Bible dit qu'il est un menteur. Tu comprends ça, ma chère? D'accord, mais dans le temps, les gens, eux, ils considèrent, ils étaient plus... Non, il y avait l'argent, ces temps-là, ne t'inquiète pas, il y avait l'argent, parce que la Bible déclare que quand Jésus est venu au temple, il y avait quelqu'un qui comptait de l'argent. Judas a vendu Jésus avec l'argent. Donc, au temps d'Abraham, il y avait l'argent, il a acheté le champ avec l'argent. Donc, ne dis pas que l'argent a commencé maintenant. Donc, il y avait le champ, maintenant il y a l'argent. Là-bas, il y avait le champ, il y avait l'argent. Continue comme ça, allons-y. Quoi encore? Une prescription de la loi. C'est exactement ce qui est écrit. Si tu veux maintenant, on va dans la Bible, on peut voir. On peut y aller maintenant. On va voir maintenant d'abord là où c'est supprimé. Il faut que je montre d'abord dans la Bible où la dîme a été supprimée. Quand c'est supprimé, ça règle le problème. Après cela, maintenant, il pourrait venir avec toi avec des questionnements pour que tu puisses saisir bien c'est ça, d'accord? Hébreux chapitre 7. Ouvre donc la Bible. Hébreux chapitre 7. Donc voici un fondement des cupides. Pendant que vous allez trouver Hébreux chapitre 7, et vous citez ce qui est écrit dans 2 Pierre chapitre 2. Dans 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible déclare qu'il y a eu parmi les peuples de faux prophètes. Il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le meurtre qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Il dit par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. C'est ce que la Bible déclare. C'est bon, on y va, Hébreu. Tu as trouvé Hébreu? Je crois que vous allez pouvoir lire avec la lumière là. Hébreu, le chapitre 7, c'est ce qu'il dit. Ok, chapitre 7 d'Hébreu. C'est bon? Le livre de l'Épître aux Hébreux. Je vais lire, d'accord? Si je demande de lire, là, vous allez lire avec dans votre gorge. Personne n'a entendu. Je vais lire doucement à partir du verset 1. Et si besoin, je vais expliquer ce qu'on en a dit. En effet, ce Melchisédek. Ici, le verset commence par ce Melchisédek. Parce qu'on en a expliqué à partir du chapitre 3, la loi, la comparaison entre Moïse. La comparaison entre Moïse et son ministère. Et puis, je crois que c'est la chaise là-bas, c'est toi comme ça. D'accord? C'est comme ça qu'il te voit face à face. Tu me fais tordre le cou comme ça. Il faut que je sois sûr que quand il parle, ça pénètre dans ton cœur. Mm-hmm. Voilà, c'est bon. C'est bon. Viens sur la chaise. C'est bon. Ok, on y va. Voilà. La Bible déclare en effet ce Melchisédek. Le Melchisédek dont on parle ici, c'est le Melchisédek qui a rencontré Abraham dans Genèse chapitre 14. Lorsque Abraham revenait de combat, parce que son neveu Lot avait été amené captif avec toute sa famille. Abraham a ramassé les gens de sa maison, ils sont allés combattre les différents rois, il les a vaincus. Il rentrait donc du combat, il a rencontré monsieur qu'on appelle quoi? Melchisédek. Voilà, maintenant, continuons maintenant. Ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham, lorsque qui revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna, pendant que je suis en train de lire, je veux que vous suivez vraiment, à qui Abraham donna la dîme de tout. Vous avez vu, n'est-ce pas? Abraham donna la dîme. Si vous lisez l'événement dans le chapitre 14 de Genèse, Abraham donna la dîme. Donc, c'est la première mention de la dîme. Ça se trouve dans Genèse chapitre 14. Alors, Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'après roi, d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi. Tu es ma soeur. Tu vas comprendre ce que je viens de dire ici. Je peux fermer la Bible de l'esprit. C'est qui est là-bas. Donc tu as intérêt à regarder. On dit ceux des fils de Lévi. Parce que Lévi, il y avait 12 tribus en Israël. Il y avait une tribu que Dieu s'est appropriée en disant qu'ils n'ont pas d'héritage en Israël. L'Éternel sera leur héritage. On les appelle les Lévites. Puis on explique maintenant pourquoi eux, ils perçoivent les dîmes. Donc c'est important que tu aies bien cela. Ceux des fils de Lévi. On y va. Ceux des fils de Lévi. Verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce. Tu as entendu? C'est le sacerdoce, donc sur Aaron. Le sacerdoce aaronique. Ont, d'après la loi. Verset 5 encore. Ceux des fils de Lévi. Il y a une catégorie de personnes qui prélèvent la dîme. C'est eux qui exercent le sacerdoce. Il y a une catégorie. Il y en a 12 tribus. C'est très important. C'est pour ça qu'il insiste. Il y a 12 tribus en Israël. Il n'y a qu'une seule tribu à qui l'ordre est donné de prendre la dîme. Ce qui fait que quelqu'un des abolons ne doit pas prélever la dîme parce qu'il n'a pas le droit dans le sacerdoce. C'est important parce qu'on va toucher le corps de Christ maintenant. D'après la loi. Donc, il y a une loi qui est écrite là-bas. On va aller dans Nombre chapitre 18 où c'est écrit. L'ordre de lever la dîme sur le peuple. C'est-à-dire sur leurs frères, parce que les autres 11 tribus sont ses frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Mais maintenant, il y a un problème. On a parlé d'Abraham, subitement on parle de Lévi. Normalement, Abraham engendre Isaac. Isaac engendre Jacob. Jacob engendre les 12 tribus. Mais on a parlé du premier et du quatrième, ici. Donc, Abraham qui a rencontré Melchisédek, puis l'arrière-petit-fils qui est sorti de Jacob plus tard. Et parmi ces petits-fils, il y a un groupe de personnes qui ont été choisies. On avance. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. On dit, Melchisédek n'avait pas de relation avec eux. Mais il lève la dîme sur Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses. Donc Abraham, quand il a pris la dîme dans Genèse 14, il a béni Abraham. Verset 7. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. On parle du groupe de Lévi. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Donc, depuis qu'il a pris la dîme chez Abraham, il n'a jamais mouru. Pourtant, les Lévites mouraient chaque fois. Ils mouraient chaque fois. Tu comprends? Donc, il y a quelqu'un qui est plus grand, qui ne meurt jamais, à qui on a payé la dîme. Et d'autres qui perçoivent la dîme ici, qui sont des hommes mortels. Verset 5. De plus, Lévi. Maintenant, regarde là ta Bible, ma chère. Verset 9 maintenant. Tu es dans Hébreu. Oui. Chapitre 17. Regarde le verset 9. Maintenant, je peux lire. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé. Tu as vu ce qui est écrit, non? Donc, Lévi qui prend la dîme maintenant sur le sacerdoce de Melchisédek, lui-même a payé. On dit, pour ainsi dire, par Abraham. Ça veut dire que quand Abraham allait au devant de Melchizedek, Abraham ne payait pas la dîme pour lui. Comme on dit dans les églises, que si je ne paye pas, je ne serai pas riche. Quand Dieu a appelé Abraham dans le chapitre 2, il était déjà riche. Et il n'a jamais payé la dîme sur ses choses de la maison. C'est quand il allait délivrer l'autre, quand rentrant, il a rencontré Melchizedek. Il a payé pour la personne qui est à l'intérieur de lui. Donc c'est Lévi qui paye. C'est ce qui est écrit ici. Regardez. Verset 10. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek alla au devant d'Abraham. On dit Lévi qui perçoit la dîme l'a payé. Parce que lui, il était à l'intérieur d'Abraham. Donc c'est lui qui payait la dîme, pas Abraham. Pas Abraham payait la dîme. D'accord? Pourquoi? Parce que se trouve deux sacerdotes qui vont marcher sur la terre. L'ancienne alliance, appelée sacerdoce lévitique, et la nouvelle alliance, appelée sacerdoce Melchizedek. Il montre par là que le seul qui lit les deux sacerdotes, c'est Abraham. Et donc, le sacerdoce qui va sortir d'Abraham va être soumis au sacerdoce qui va sortir de Christ. Tu as compris? C'est donc pour ça que c'est Lévi. On ne dit pas que c'est Jacob qui a payé. On ne dit pas que c'est Isaac qui paye la dîme. On ne dit pas que c'est Simeon, c'est Joseph. On dit c'est Lévi. Pourtant, Abraham va engendrer Isaac. Isaac va engendrer Jacob. Jacob va engendrer 12. Mais on dit c'est Lévi qui paye la dîme. Pourquoi c'est Lévi seul alors que tous les enfants se trouvaient en Abraham? Vous comprenez, n'est-ce pas? Verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique. Verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique. Vous y êtes? Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Donc la loi que Dieu avait donnée au peuple, ce sont les lévites qui devaient gérer. Et on a vu qu'ils ont, d'après cette loi-là, il y a des choses qui sont écrites, leur droit d'onction, qui devaient percevoir la dîme du peuple. On dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Premier sacerdoce, le type, c'est Aaron. Donc on dit, le souverain sacrificateur, c'est Aaron. Deuxième sacerdoce, le souverain sacrificateur, c'est Melchizedek. Donc il y a deux alliances. Première alliance, qu'on appelle l'ancienne alliance, le chef, c'est Aaron. Deuxième, nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Le chef, c'est Melchizedek. Le chef Aaron dans l'ancienne alliance, on lui a donné les lévites pour travailler avec lui. Et ils ont le droit d'onction dans l'ancienne alliance. Le nouveau sacerdoce maintenant, par Melchizedek, il est le seul souverain sacrificateur et les autres tous sont des sacrificateurs. Il n'y a pas de lévite pas ici. Tu vois la chose, n'est-ce pas? Ok. Verset 12. Car le sacerdoce, il veut que lui dise, toi tu me lis maintenant. Lis-toi maintenant, ma chère. Qui peut lire alors? Verset 12, mon cher frère. Plus que le ministère. Le chapitre 7, verset 12. Le bleu combien? Chapitre 7, verset 12 maintenant. Le bleu 7. Voilà. Donc depuis, on lit, tu étais où? Et car le sacerdoce était chargé nécessairement aussi, il y avait de loi. Et ok. On dit le sacerdoce étant changé. Quel sacerdoce est changé? Quel? Les lévites. On a dit que les lévites avaient un sacerdoce dans lequel ils avaient le droit de prélever la dîme. Et on explique que ce sacerdoce est comment? Changé. Et on dit nécessairement. Si ce sacerdoce est changé, nécessairement il y a aussi changement de loi. C'est pas ce qui est écrit. Donc, là où c'est reposé, vous allez payer les dîmes, vous allez donner tel sacrifice. Ça a été et donc introduction d'une nouvelle alliance. La Bible explique en disant cette nouvelle alliance là a été introduite par Melchizedek, plus excellent que celui qui a été changé. Maintenant, je ne comprends pas comment on peut dire on est sous la nouvelle alliance, mais on pas dans l'ancienne alliance, on peut regarder parce qu'il y a l'argent, on peut pupper à l'intérieur. Tu poses la question à un pasteur que tu prends les dîmes, tu es lévite, il dit oui. Mais la Bible déclare que nous tous, nous sommes membres du corps, les uns, les autres. Quel est le verset dans la Bible? C'est là où on touche le fondement. Quel est le verset dans la Bible qui dit que toi, pasteur, tu es un lévite? Parce que la Bible déclare que moi, je ne suis pas. Parce qu'en Israël, on distinguait clairement les tribus. Benjamin, Naphtali, Zabulon, Lévi, Simeon, Dan, ainsi de suite, Judas. Ben, on avait distingué ça. C'était enseigné que tu savais très bien que comme tu es né là-bas, jamais tu n'occuperas le poste de Lévi. Nous sommes d'accord. Alors, est-ce qu'il y a un verset qui dit à un pasteur qu'il est Lévi? Le corps de Christ est divisé comment? Le corps de Christ est divisé seulement en deux parties. La tête et le corps. Point final. Et la tête, c'est seulement Jésus. Le corps, c'est l'ensemble des croyants. Et chaque croyant dans le membre, dans le corps a sa place. Le pasteur a sa place. Comme il est pasteur, ça ne veut pas qu'il soit supérieur à un autre. Parce que dans ton corps, le seul membre qui est supérieur, c'est la tête. Tous les autres sont là, font fonction et suivent ce que la tête va ordonner. Donc le corps humain, c'est une prophétie du corps de Christ. Et donc, le pasteur a un rôle à l'intérieur. Et ce rôle-ci se s'entremêle avec d'autres rôles. Parce que la main a besoin du pied. Si la tête dit, je vais boire de l'eau, voilà l'eau là-bas. L'œil doit voir là où l'eau se trouve. L'œil a joué son rôle. Quand il envoie l'information, ce n'est pas lui qui va chercher. La tête va décider qu'il faut aller prendre cette eau. Maintenant, il faut que quelqu'un entre en action. C'est celui qui fait pour marcher, pour arriver là-bas, qui va marcher. Tu ne veux pas marcher avec tes oreilles. Nous sommes d'accord. Si tu marches avec ton ventre, c'est que tu es le serpent. Nous sommes d'accord. Le pied doit faire son rôle. Quand l'œil a vu son rôle, il a vu. Tu as détecté là où ça se trouve. Son rôle est terminé. Maintenant, ton pied va faire le mouvement. Arrive. Quand tu arrives là-bas, ce n'est pas avec le pied que tu prends, ni avec la bouche. Ta main, son rôle est terminé, le rôle du pied. Après, maintenant, la même tête commande à la main d'avancer. La main avance quand il prend. Le rôle de la main est terminé. Il faut maintenant boire cette eau pour que tout le corps soit satisfait. Quand tu mets dans la bouche comme ça, tu ne bois pas avec le nez, ni avec les yeux, ni avec les oreilles, tu ne verses pas l'eau dans l'oreille. C'est que tu es possédé, n'est-ce pas? Tu mets dans la bouche. Quand tu mets dans la bouche, tu enlèves, la main est terminée. Ça reste maintenant à l'autre aussi d'avancer. La langue fait, quand ça fait, waouh, tu entends comment ton corps fait. Quand tu dis, ça dit, tout le monde est satisfait. Là maintenant, je pose la question, qui était plus important dans cette drogue pour boire l'eau? Qui était plus important? C'est la tête qui était importante, n'est-ce pas? C'est la tête seule qui est importante. Parce que si la tête ne coordonne pas, l'œil ne peut pas voir, le pied ne peut pas partir, la main ne peut pas prendre, l'œil ne peut pas voir. Donc, Christ est la tête du corps de l'Église. C'est lui seul qui doit révérence. Matthieu chapitre 23, verset 23, j'arrive. Ne t'inquiète pas, d'accord? C'est ça que tu veux citer, non? Je connais tous les versets que tu peux citer, je les connais. Alors, lorsque la tête décide, c'est quand la tête décide que tu vas aller. C'est la tête qui décide que tu vas partir, d'accord? Grâce. Gardez vraiment ces enfants, quand tu touches ces fondements, c'est vraiment bien, d'accord? Je peux avancer maintenant. Je parle de la fondation et je suis en train de toucher un fondement qu'on appelle le dîme. J'attaque là où on mange un peu, d'accord? Maintenant, avant d'avancer sur le fondement, parce qu'il a touché ma chaîne 23, il faut que je corrige une chose avant d'avancer, d'accord? La Bible a parlé, comme on a lu tout à l'heure, de deux alliances. Une alliance, on appelle sacerdoce lévitique. Et une alliance qu'on appelle le sacerdoce de Melchisedec. Chacune de ces deux alliances est introduite par le sang, est inaugurée par le sang. Quand Moïse avait fait le sacrifice avec le peuple, quand la loi était là, il a dû prendre la branche de l'hysope, plonger dans le sang pour sanctifier le peuple, sanctifier les hysopes pour que ça puisse entrer en service. Donc, il l'inaugure cela avec du sang. Quand Jésus était sur la terre, il marchait là-bas dans le temple, il parlait avec les gens, il n'y a pas la nouvelle alliance. D'accord? La nouvelle alliance n'était pas encore fonctionnelle. Lorsque Jésus va à la croix, il meurt. Lorsqu'il verse son sang, lorsqu'il ressuscite, à cet instant, la nouvelle alliance entre en action. Donc, première chose que vous devez savoir avant d'avancer dans la fondation, c'est que quand Jésus marche sur la terre, l'Église ne se trouve pas encore sur la terre. C'est bien compris? Voilà. Donc, lorsque nous avançons dans l'Église, l'Église commence dans Actes des Apôtres au chapitre 2. La fondation doit être bien comprise. Alors, quand on est dans Actes des Apôtres chapitre 2, en avançant, les fondations sont bien définies, les détails sont bien donnés. Donc, si tu rentres dans Matthieu chapitre 23, tu dis que, dans Matthieu chapitre 23, Jésus dit que, malheur à vous pharisiens. Il a dit, malheur à vous scribes et pharisiens. Nous nous trouvons dans l'ancienne alliance, là où il se trouve. Ça n'est pas à l'église, ça ne concerne pas l'église. Malheur à vous pharisiens, parce que vous payez la dîme des cumin et de la menthe. La dîme des cumin et de la menthe, il n'y a pas de cumin et de menthe dans l'église. Ça se trouve chez les Israéliens. Il dit, et vous oubliez ce qui était plus important dans la loi, la justice, ainsi de suite. N'est-ce pas? Quand il dit malheur, il dit, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, dans la loi, il fallait faire ça. On devait dire qu'il fallait faire ça. Parce que Dieu leur a donné la loi d'obéir. Personne n'obéissait à la loi. Il partait chercher seulement son intérêt, comme les pasteurs sont faits aujourd'hui. Jésus dit que c'est, vous devez faire ça. Mais vous contentez sur la dîme, sur la dîme, sur la dîme. Alors qu'il fallait vous contenter sur la justice. Parce que quelqu'un était lévite, qu'est-ce qu'il faisait? Il savait qu'il parlait dans la loi, il parlait de lui. Que, oh, je dois prendre l'argent. Je dois prendre la dîme. Je dois prendre la dîme. Il contentait sur la dîme. Alors que quelque chose lui donnait aussi que, voici ton devoir. Tu dois expier le péché du peuple. Tu dois leur enseigner à marcher dans ce qui est pur, dans ce qui est impur. Tu comprends ce n'est-ce pas? Pour qu'ils puissent l'avoir. Mais qu'est-ce qu'ils partaient faire? Ils allaient dans la loi, ils prenaient plutôt ce qui les avantageait pour la nourriture qu'on avait demandé, le droit d'onction. Je suis lévite, donne-moi la nourriture. Dieu a dit qu'on lui donne la nourriture. Il dit malheur à vous parce que vous avez la l'intérieur là, vous prenez seulement la dîme. Vous payez la dîme de la cumène, dîme ceci. Vous oubliez la fidélité, la justice. Donc il fallait enseigner ça d'abord. Il fallait. Il n'a pas dit qu'il faut. Donc, souligne maintenant, fallait. Allons-y. Dans et souligne, Matthieu 23 que tu as pris là tout à l'heure. Vous y êtes. Souligne maintenant. Ne dis prends le big, souligne, entoure la fallait. Dans Matthieu 23, verset 23. Il faut entourer ce qu'il fallait. Pour qu'on comprenne ce que Jésus disait, il n'est pas en train de dire que vous devez. Parce qu'en parlant qu'on est lui-même, il n'a jamais payé ça. C'est ici qu'il était là, n'ont jamais payé. L'enfant là, donne-lui ce qu'elle veut pour qu'on avance ces choses. Parce qu'il ne peut pas parler avec le bruit. Je veux que vous soyez concentrés sur ces choses-ci. Tu as ton stylo? Ah, lis le verset 23. Tu ne vois pas, hein? Matthieu, c'est le verset 23. Allons-y, lis alors. Regarde-moi maintenant. Regarde-moi. Je veux que tu me montres un scribe ici et un pharisien. Au milieu des chrétiens. Ils se trouvent ici. Les pharisiens se trouvent où? Non, il n'y a pas de chrétiens pharisiens. Ça ne se trouve pas. Ça se trouve dans l'ancien. C'est en l'ancien, ça se trouve. Alors, il dit malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites. Parce que. Parce que vous payez la dîme. De la menthe et du cumin. Du cumin. Et de la nette. De la nette, oui. C'est la nette. Oui, oui. Du cumin. Oui. Et que vous laissez ce qui est. Plus important dans la loi, un, la justice, deux, la miséricorde, trois, et la fidélité. Voilà, c'est là qu'il fallait pratiquer. C'est ça qu'il fallait pratiquer, sans oublier les autres choses. Les autres choses. Souligne, c'est cela qu'il fallait pratiquer. C'est ça, ce qu'il fallait, pas ce qu'il faut. Tu as vu là où c'est qu'il fallait, parce que Jésus n'est pas venu. Jésus, écoutez très attentivement maintenant. Jésus n'est pas venu sur la terre pour dire pratiquer la loi de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il est venu faire. Jamais. Nous avons vu dans la première partie comment les prophètes étaient envoyés pour faire, chaque fois que les gens quittaient la voie, les prophètes venaient dire rentrez sous la loi. Rentrez pour obéir à ce que Moïse avait dit. Jésus n'est pas venu dire cela. Jésus est venu dire maintenant qu'il est écrit dans les prophètes. Il est écrit des mois comme ça que je dois faire des choses. Il vient, il dit aujourd'hui, cette parole est accomplie. Il est venu accomplir ce que disaient justement les Écritures. Et à la croix, donc, il a dit tout est accompli. Donc, ce qui était écrit de lui qu'il devait faire, il l'a fait. Les sacrifices qu'on faisait pour couvrir le péché, il a fait pour ôter le péché. Parce que ces sacrifices-là annonçaient que quelqu'un viendrait pour accomplir. Jésus n'est pas venu dire que obéissez, payez les dîmes. Ce n'est pas ça qu'il est venu. Quand il est venu, avec son sang, ça a supprimé cette ancienne alliance. Et introduit donc la nouvelle qu'on appelle la nouvelle alliance selon Melchisedec. D'accord? Et dans cette alliance, donc maintenant, allons dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre. Je crois que je vais t'aider à ouvrir rapidement. Rapidement. Oui, c'est tout juste après ça, oui. Après ça, tu vas voir Jacques. Après Jacques, tu as 1 Pierre. Chapitre 2. Merci. Il faut qu'elle trouve d'abord, qu'elle donne le verset. Tu ne peux pas devancer quelqu'un. Donc, en attendant, tu commences à lire tous les versets en attendant. 1 Pierre, chapitre 2. Oui. Voilà. Maintenant, nous sommes au chapitre 2. On va le verset 9, qu'est-ce que ça dit, mon cher? Verset 9. À haute voix, mon frère. Vous, oui. Au contraire, oui. Vous êtes un peuple choisi. Un. Des prêtres. Des prêtres. Noyau d'une nation sainte. Oui. Un peuple racheté en fou de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. À sa merveilleuse. Alors, donc, la Bible nous dit dans cette version-ci que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. C'est écrit sacerdoce royal. Regarde ici, ici, ici. Comment on a de parler des choses importantes, tu as de regarder ce que quelqu'un qui a de communiquer. C'est ici que ça se passe. Ici. Non, ne sois pas de concerné. Oui, c'est ici. Ici. Donc, il dit vous êtes une race élue, une nation sainte, un peuple choisi, un sacerdoce royal. Il dit mais vous les chrétiens, eux, ils étaient sous le sacerdoce lévitique. Vous êtes maintenant les sacerdoces royales. Donc, on est des fils et des filles du roi. Dans nos corps, donc, le fait qu'ils soient de prêcher comme ça, je ne suis en rien différent de toi. C'est un rôle qui m'a été donné. Quand j'ai fini mon rôle, si tu as ton rôle à jouer, tu joues en faveur du corps pour que tout le membre du corps en soit édifié. C'est en cela, donc, le corps de Christ, les membres forment un seul tout, dans la totalité. Alors, donc, deux alliances se présentent. L'alliance sous Aaron et l'alliance sous le Seigneur Jésus qui est le souverain sacrificateur. Dans l'ancienne alliance, il y avait le souverain sacrificateur, Aaron. Et il y avait les autres sacrificateurs de classe inférieure. Puis, il y avait les Lévites qui devaient les assister. Ici, il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur sans les assistants. Tous donc sont sacrificateurs. Tous sont sacrificateurs et un seul souverain sacrificateur. Voilà la différence. Ici, donc, c'est une nation, un pays. Ici, c'est un peuple dans des différentes nations. Un par-ci, un par-là. Il n'y a pas une tribu ici. Voilà la différence. Ici, dans cette autre alliance, il fallait être israélite. Sans être israélite, tu n'appartiens pas à un peuple. Ici, c'est dans telle nation. Il prend un chez les Grecs, deux chez les Ivoiriens, l'autre là-bas. Tu as vu ça? On mélange. Et à cet instant, quand vous entrez dans le corps, il n'y a plus de nationalité. Nous parlons le langage du ciel. D'accord? Là-bas, il fallait être juif. Amen. Tu as encore quel pion à jouer pour la dîme? Encore? Tu n'as plus de pion à jouer. Donc, c'est un mauvais fondement. La dîme, c'est un mauvais fondement pour le chrétien. Il faut balayer ça. On peut avancer maintenant? On peut avancer? Vous ne venez pas d'accord? Non, on avance. Pourquoi tu pleures? Si c'était ça, si c'était ça, il faut parler. Si c'est clair, elle va comprendre. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Bah, tu as là lu Malachie chapitre 3, verset 10. Tu n'as jamais lu ça. Hein? Bon, maintenant, là, maintenant, si tu ne me poses pas de questions, moi, je vais te poser des questions. Pour que ça soit plus clair, d'accord? Oui. Il y a plusieurs versets qui parlent de la dîme. Où ça? Oui, ça, c'est clair que le plus de versets parlent de la dîme. Tu veux qu'on en lise? Qu'on... Je peux vous donner les versets pour qu'on puisse lire. Lire pour voir ce qu'il en est. Ok, il n'y a pas de problème. Commençons par le commencement. Même Paul parle de la dîme. S'il faut donner seulement la dîme, tu vas donner toute ta maison un jour. Arrêtez les enfants qu'on parle bien de ces choses. Tu vas donner toute ta Regardez. La dîme que tu vois là. Dîme, n'est-ce pas? Dîme, ça veut dire dixième partie. Un dixième, d'accord? Voilà. C'est ce que ça veut dire dîme veut dire. Dîme veut dire que si tu as 10 et un côté, tu dois mettre ça de côté, c'est dîme. Maintenant, je vais expliquer maintenant doucement. En vous montrant des versets. En fait, ce qu'on a expliqué que ça a été aboli, s'il veut encore l'Ancien Testament lire, ça ne vous servira même à rien. Parce qu'on a montré que ça a été, le sacerdoce a été aboli. Mais on va quand même aller là-bas pour voir. La première mention donc, se trouve dans Genèse chapitre 14, versets 1 à 22. La deuxième mention se trouve dans Genèse chapitre 28. Ça, cette fois-ci, c'est Jacob qui va faire la promesse à Dieu. Que si tu me donnes telle chose, je vais donner la dîme de tout ce que tu vas me donner. Or, avant ça, il ne fait pas la dîme. Maintenant, vous ne verrez jamais dans la Bible où on paye la dîme par mois, on a dit mensuel. Il n'y a pas de dîme mensuel dans la Bible. Il n'y a pas de dîme sur ton salaire dans la Bible. Ça se trouve nulle part. D'accord? Ce qu'on va voir maintenant, c'est les choses qui sont choquantes. Il y en a 5 styles de dîme dans la Bible. On va voir tous les 5 styles là maintenant. Tu es d'accord? Donc, d'abord, tu payes quel style de dîme? Quand tu payes. Quand tu n'as pas, tu ne payes pas. Donc, tu as les dettes de dîme. Oui. Tu as les dettes de dîme. Bon, tu payes à qui? Moi, je le dis, mais je ne considère pas le dette de dîme. Donc tu dis dans ton cœur que je n'ai pas de dette. Ah. Ok, les dîmes, donc, tu payes dans quel intervalle, dans quelle chronologie? Non, je paye, je reçois mon salaire, je paye. Donc, ça dit normalement, si tu reçois ton salaire, salaire mensuel, tu es censé payer chaque mois. Normalement, qu'est-ce qu'ils disent? Qui dit? Bah, l'église. Ok. Le pasteur. Bon, quand le pasteur a dit ça, maintenant, parce que tu m'as posé la question, je t'ai répondu. Quand il t'a dit ça, il t'a montré ça où? Bah, il m'a montré ça dans l'Ancien Testament. Qu'on devait payer par mois. Le dîme. Un seul. La dîme, pardon. Oui. Qu'il faut payer la dîme, c'est le dixième de oui. ton salaire que tu dois payer. Oui. Il t'a montré dans l'Ancien Testament. Oui, qu'il faut payer le dixième de son salaire. Et après, c'est concordé avec. Du moins, je peux dire confirmer avec le passage dans Matthieu 23. Dans ce Matthieu qu'on a lu aujourd'hui. Encore, c'est... Ça, c'est une autre personne qui m'a montré Matthieu, mais quand il m'a montré le Matthieu, c'est le mot fallait là, ici qui m'a un peu interpellé. Oui. Mais je n'ai pas posé la question. Tu as seulement gardé dans ton cœur. Voilà. Maintenant, je t'ai dit, maintenant, il fallait donc, poser le problème. Paye quand je veux. Voilà. Maintenant, là, elle te pose la question. Je vais te poser beaucoup de questions. Jésus a-t-il déjà payé la dîme? Non. L'apôtre Paul en a-t-il payé? Je comprends. Pierre a-t-il payé? Non, tout c'est écrit dans la Bible. Parce que si tu dis non, c'est en fonction de ce qui est écrit dans la Bible. Parce que si quelque chose était nécessaire pour qu'on puisse avoir... Non, Jésus, je connais un peu son histoire, mais apôtre Paul... Oui, mais tu lis la Bible, non? Oui, je lis la Quand Bible. Tu lis la Bible, pendant que tu vois comment ils vivent, tu as vécu, ils ont payé ça quelque part. Aucun, dans le aucun livre des chrétiens, là. Payé. Aucun n'a... Toi, tu payes en vertu de quoi? Je paye en vertu parce que je me dis, c'est un point qui est devant moi, donc lui, il connaît la Bible que moi. Donc, il me dit, bon, l'apôtre Paul était-il loin? Oui, entre lui et celui que tu vois aujourd'hui, là, qui était plus loin que qui? Ok, dans ce cas, pourquoi lui n'a pas pris? Comme tu dis que c'est parce que tu vois que c'est un homme qui est devant toi. Bah, parce que je ne connais pas toute la Bible et en plus, on ne nous explique pas tout. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les versets qui parlent de cette dîme-là dans l'ancienne alliance. Donc, j'explique d'abord premièrement. Il y a d'abord la dîme, comme on vit dans Genèse chapitre 14. Là-bas, c'est Abraham. On a vu dans le Nouveau Testament qu'Abraham n'a pas payé aucune dîme le concernant. Que l'explication se trouve dans Hébreu en disant que c'était Lévi qui payait la dîme, pas Abraham. Parce que du chapitre 12 de Genèse jusqu'au chapitre 14, nulle part il n'a payé la dîme. Or, il était béni. Il n'avait jamais été maudit. Bien plus, il avait la visitation de Dieu et Dieu lui donne la promesse. N'est-ce pas? Il était riche. Il était riche. Et il n'a jamais pris quoi que ce soit de sa chair pour donner à Dieu par rapport à la dîme. Nous sommes d'accord. Ce qu'il a donné comme dîme ne sortait pas de ses biens parce qu'il est sorti de la maison pour aller faire la guerre. Quand il a fait la guerre, il rentrait avec les choses qu'il a pris de la guerre. C'est là où il a pris la dîme, c'est ça, pour donner à Melchizedek. Et ce n'est pas lui qui ne donnait pas pour lui-même. Parce que ce n'est pas son sang, c'est bien. C'est Lévi qui est à l'intérieur, qui payait pour dire qu'il sera soumis au sacerdoce qui vient par Melchizedek. Nous sommes d'accord, c'est ce qu'on a lu, non? Ok. Maintenant, dans la loi, ça c'est la Genèse. Dans la Genèse, il n'y a pas encore la loi. Donc il n'y a pas quelque chose qui dit. Parce que la loi veut signifier qu'on met quelque chose par écrit, des interdictions, des droits et des devoirs et des punitions afférents au cas où on transgresse. C'est ça la loi. Maintenant, quand la loi va venir par Moïse. Dieu va faire sortir les Juifs. À partir du désir, il va leur donner les lois. La loi, ce sont les instructions et les commandements qui sont censés rejeter ou bien respecter. C'est là qu'on va entrer dans la loi et on va voir ce que la Bible dit par rapport à cela. Dieu a commencé à institutionnaliser de façon religieuse ces principes-là. D'accord? On peut aller. Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18. J'avais ma Bible ici aujourd'hui. Okay. Nombre chapitre 18. Je vais donc expliquer donc les 5 styles de dîmes avant qu'on va les rencontrer dans la Bible rapidement. D'accord? Donc, dans la Bible, chaque fois que tu vas rencontrer chaque personne maintenant, tu vas lui poser la question que tu as de poser. Quand je vais finir de montrer les 5 styles de dîmes, il faut toujours te demander la question, parmi les 5 styles de dîmes, laquelle des styles dois-tu en de payer? Parce qu'il faut payer, il faut faire ce que Dieu a dit dans la Bible. Parce que si tu fais parce que Dieu a dit dans la Bible, tu n'as pas de le faire pour Dieu. Nous sommes d'accord? Donc, je vais présenter les 5 styles de dîmes maintenant. Je vais brosser, puis on va aller dans la Bible voir. Premier style de dîme, le peuple. Parce qu'on a vu qu'il y avait 12 tribus. Il y avait une tribu qui était au temple, la tribu de Lévi. Et dans ce temple-là se trouvaient deux catégories, les sacrificateurs, qui sont les descendants directs d'Aaron, et les Lévites. Donc il y avait deux groupes dans le temple, qui avaient droit dans le temple. D'accord? Premier style de dîme, le peuple, le reste des peuples qui n'avaient pas le droit d'onction, devaient venir verser une dîme aux Lévites. Donc, premier style de dîme, les Lévites perçoivent la dîme du peuple. Nous sommes d'accord? Deuxième style de dîme, les Lévites ayant pris cette dîme-là, donnent à leur tour la dîme de cette dîme au sacrificateur. Donc, tu perçois, comme tu as aussi un droit, tu payes. D'accord? Donc, le peuple paye la dîme aux Lévites. Les Lévites paient à leur tour la dîme de cette dîme-là au sacrificateur. Ça fait déjà deux, n'est-ce pas? Il y a la dîme pour les orphelins et les veuves. Cette dîme-là, on met dehors. Les orphelins, les veuves viennent manger avec les étrangers. Quand ils voient ça dehors, regarde bien, on met dehors. On met dehors, hors de sa porte. On dépose dehors, parce que ce n'est pas l'argent. On dépose dehors les orphelins, les veuves, les étrangers, mais les Lévites qui passent par là. Quand ils voient ça dehors, en cette année-là, on sait que ceci, c'est pour nous. Ils se mettent là, ils mangent, personne ne les arrête. Ils doivent se mettre là-bas, ils mangent. Parce que c'est la nourriture, d'accord? Ça, c'est trois. Donc, je recommence encore. Les Lévites prennent la dîme du peuple. Les Lévites payent la dîme au sacrificateur. Il y a la dîme que le peuple doit sortir. Chaque personne doit sortir ça de sa maison. Déposer devant sa porte pour que les Lévites, les étrangers, viennent payer. Donc, ça, c'est la dîme aux orphelins, les veuves, les pauvres et les étrangers qui sont au milieu. D'accord? Quatrième style de dîme, c'est la dîme que c'est toi-même qui manges avec ta famille. D'accord? Et il y a un endroit spécifique pour manger cette dîme-là. C'est là où Dieu a fait choisir pour y faire résider son nom. Cette style de dîme-ci, tu y vas, tu pars avec ta famille, tu amènes ta dîme devant l'Éternel. Tu dis, Seigneur, je te remercie pour toutes les choses que tu m'as données, que mon champ puisse réussir. Tu manges ta dîme avec ta famille, tu te réjouis en remerciant le Seigneur. Tu as compris? C'est quatre styles de dîme. Cinquième style de dîme, c'est la dîme qu'on donne au roi du pays. Le roi doit prélever la dîme sur toute personne comme un impôt. La dîme pour tous les peuples de son sujet. Ça, c'est le roi. Je précise bien le roi. Ça fait 5 catégories. D'accord? Bon, maintenant, quand toi, tu payes laquelle? En entrant, avant qu'on entre dans le verset. Comment ça tu ne sais pas? C'est toi qui paye. Parce que tu dois payer quelque chose que tu connais. Il le dit, n'est-ce pas? Quand tu mets dans l'enveloppe, tu t'adresses comme ça là. Tu peux donner. C'est laquelle? Ça ressemble à quel parmi les saints? Parce qu'il n'y a que les saints ici dans la Bible. Le quatrième. Le quatrième, ça dit quoi? Ce que tu peux manger. Non, la quatrième, c'est ce que toi-même tu peux manger. Oui. Non, la quatrième, c'est ce que toi-même tu dois manger, pas quelqu'un d'autre mange. Je dis oui. Mais attends, tu as dit que tu payes la dîme à un ouin. Comment tu dis que c'est toi qui manges? Non, mais c'est pas. Il prend pour payer. Suis attentivement. Suis attentivement. Moi, je suis. Si tu dois manger avec ta famille dans le lieu où Dieu a, tu ne donnes pas à quelqu'un. C'est toi qui manges. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. C'est toi qui dois manger avec ta famille à un endroit bien précis. On ne mange pas ça n'importe où. Tu manges ça chez toi, c'est une faute. Tu manges ça en public, c'est une faute. Tu dois aller là où Dieu, je cite bien l'écriture, là où Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Là maintenant, on va expliquer ce que je veux dire pour y faire résider son nom. Et tu dois devoir m'expliquer là où Dieu a choisi sur la terre pour y faire résider son nom. Ce n'est qu'en cet endroit-là qu'il agresse là. Parce qu'il a dit, lorsque c'est dans le pays, personne ne doit plus faire n'importe quoi. C'est là où il a choisi pour y faire résider son nom. D'accord? Donc je commence encore. Qu'est-ce que tu le dis, tu payes? Si, quatrième. Le quatrième. C'est-à-dire, tu vas. C'est, non, c'est-à-dire, tu vas dans tu vas dans, avec ta famille, là où Dieu a fait résider, pour y faire résider son nom. Tu manges ta dîme, toi-même. Est-ce que c'est sérieux ce que tu as de faire, ma soeur? Non, je ne sais pas. Non, il dit, est-ce que c'est sérieux ce que tu as de dire là? Mais est-ce que toi, tu es arrivé là-bas, tu as mangé ça? Je lui dis que oui, parce que ma dîme contribue à. Suis attentivement, ne dis pas. Que, ne dis pas. On dit que tu dois manger, on n'a pas dit que tu contribues. On dit quand tu arrives, si c'est la banane. Si je dis je contribue, comment je dois la manger? Je n'en sais rien. Mais si je dis je contribue. C'est que l'église participe à beaucoup de choses, on achète plein de trucs. Suivant encore une fois de plus, l'église c'est une autre chose. Dans cette dîme-là. Mais c'est à l'église que je donne. Bon, non, j'arrive. Avec ma famille non. Pour aller manger ou quoi que ce non. Soit. Non, suis attentif. On a voulu expliquer pour qu'on comprenne. L'écriture a dit qu'on ne doit rien y ajouter. Si je dois prier, je dois prier conformément aux écritures. Si je dois vous baptiser, je dois vous montrer que dans la Bible, on baptise comme ça. Si ce n'est pas comme ça, ce n'est pas l'écriture. Dieu dit, le quatrième style de dîme, tu dois manger avec ta famille. Il n'y a personne hors de la famille là-dedans. Ça veut dire que toi, tes enfants, tes frères, autres, c'est vous qui mangez ça. Un, c'est vous qui mangez. Deux, dans le lieu où il a fait résider son nom. Je recommence encore. Est-ce que tu manges avec ta famille là-bas? Non. Il ne s'agit pas de contribution. Donc d'abord, il y a une faute, n'est-ce pas? Avançons dans le deuxième cas. Là où Dieu a fait résider son nom sur la terre, c'est où? C'est un problème encore une fois de plus. Vous voyez? Maintenant, si tu choisis n'importe quel style de dîme là-bas, tu seras toujours coupable. Parce que tu ne pourras jamais obéir à aucun de ces styles-là. Tu ne peux pas. Même si tu veux, par toi-même faire ça, tu ne pourras pas faire. Tu sais pourquoi? Parce que ceci justement concerne Israël. Un, on a vu que c'est le peuple qui payait la dîme aux Lévites. Même si tu veux payer ce type, s'il n'y a pas de Lévite quelque part, parce que son sacerdoce a été éradiqué. C'est exclu. D'accord? Deuxième style de dîme, on a vu que, enfin, si ceci est exclu, forcément ceci est exclu. Parce que pas de Lévite, pas de sacrificateur. Donc il n'y a pas de temple à donner. Donc c'est exclu. Troisième style de dîme, on dit que ça, ce n'est pas chaque mois. Chaque trois ans, il y a le dîme ici. Trois ans, un an. Chaque un an, tu sors ta dîme hors de ta maison. Tu déposes devant ta porte. On dit, et le lévite, et l'orphelin, les veuves, les enfants, tous les étrangers qui sont devant toi, qui n'ont pas de quoi que ce soit, vont prendre et manger. Tu as sorti de l'enveloppe de l'argent hors de ta balle pour déposer. Parce qu'on a dit, c'est hors de ta porte. Donc, si tu sors ton enveloppe, si c'est l'argent, à la fin du mois, tu enlèves l'argent, tu déposes ça devant la porte, tu verses ça au sol. C'est comme ça. D'accord? Quatrième maintenant, on a vu cela. Quatrième, c'est toi-même qui pars maintenant pour manger. Cinquième maintenant, c'est le chef de l'État qui doit prendre cela. Tu comprends ma chère sœur? Donc la quatrième que tu as envie de parler, sur la terre, à l'époque des Juifs, le seul lieu que Dieu avait agréé pour y faire résider son nom, c'était à Jérusalem, à cause du temple qui était là-bas. Maintenant sur la terre, montre-moi le temple où Dieu a agréé. Il n'a agréé le temple nulle part. Donc ça veut dire qu'il n'y a nulle part où aller pour le faire. Parce qu'en fait, le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit. Donc l'alliance a changé. D'accord? Mais allons quand même dans la Bible vérifier ces versets. Nombre chapitre 18. Il faut que ce phénomène soit clair, n'est-ce pas? C'est pourquoi je demandais que tu vois l'esprit. De souvent. Parce qu'en fait, les gens croient peut-être que quand on dit que ne priez pas la dîme, quel est mon intérêt à ce que les gens n'aient pas payé? Parce que si on doit payer, s'il a fallu qu'il fasse aussi comme les autres, c'est à moi qu'on paierait. Quel est mon intérêt de vous empêcher de payer? Je ne dirai jamais à quelqu'un de payer parce qu'ils disent que même si tu vas à l'étranger, sache que c'est à moi aussi. Vous savez, il y a un groupe chrétien que j'ai rencontré, il a dit, frère, je ne vais te prouver par la Bible que les chrétiens doivent payer la dîme. J'étais étonné que mais celui-ci a dû écrire sa propre Bible. C'est un apôtre. Il est allé en France. On était face à face. Il est allé en France. Il dit quoi, il dit, frère, j'ai trouvé le verset. Il dit, oui. Allons-y, j'étais étonné. J'attendais le verset. Il dit, Galates 6, 6. J'ai dit, donc, ça dit, tu as couru ici, depuis le Cameroun, pour aller jusqu'en France, pour aller trouver Galates chapitre 6, verset 6. Il fallait me dire ça ici. Il connaît le verset. Il te dit ce que ça dit. Il dit, qu'est-ce qu'on dit, mon cher? Il récite. Il dit, que celui à qui on enseigne fasse pas de tous ses biens à ce qu'il enseigne. Il dit, oui, c'est ce qui est écrit. Il attend. Où est la dîme dans ce verset? Il dit que non, c'est que on peut prendre ça. Que non, on ne peut pas. Quand il fallait vous dire des dîmes, on a dit dîme. Et ce passage, si on a vu dans Actes des Apôtres, comment les chrétiens mettaient au service des uns et des autres les biens qu'ils avaient. Donc les chrétiens vivaient exactement comme ça. Ce n'est pas des dîmes. Donc il dit que, il dit, ok, je reviens encore vers toi. Depuis, ça fait 2 ans, il n'est plus revenu. Parce qu'il ne peut pas trouver ça. Ça se trouve nulle part. Vous ne pouvez pas vouloir enseigner quelque chose que les apôtres ne peuvent pas enseigner et faire ça, ça marche. Ça ne peut pas marcher. Parce que si tu veux prêcher Jésus-Christ, le juste que tu dois prêcher, c'est parce que la Bible en a parlé de lui. Et lui, il a dit dans Matthieu 28, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus a-t-il prescrit de payer les dîmes? Non. C'est non, c'est que forcément, c'est nous qui sommes le menteur. Parce qu'il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Après, il vient à prendre l'apôtre Paul, qui était un pharisien. Quand on est dans le sujet de Matthieu 23, là, que pharisien hypocrite, vous payez les dîmes en manque. Quand il a pris l'apôtre Paul dans le pharisien, il lui a dit tout le conseil qu'il devait venir prêcher. L'apôtre Paul est venu annoncer tout ça. Il n'a pas cité la dîme parmi. Et pourtant, c'est lui-même qui a écrit que le sacerdoce a été changé. Donc, personne ne peut venir enseigner quelque chose de plus bien que eux qui ont enseigné. N'est-ce pas, ma chère sœur? Nombre chapitre 18. Non, si tu ne perds pas ta dîme, c'est que tu es maudit. C'est que tu es maudit. C'est le fait de l'église. Tu es maudit. Chaque fin du mois. C'est le fait de l'église d'abord. Donc, il y a même des gens maintenant qui viennent avec l'appareil. On dit tchouk ça, après l'air automatiquement. C'est pour ça que quand vous venez, on demande, on donne une liste que vous écrit, quelle est la fonction, quel est le salaire que tu peux avoir pour qu'on sache exactement. Il peut faire le calcul mensuel pour savoir dans l'église combien il peut avoir par mois. Il peut faire des projets. De toute façon, Dieu va les juger. Chapitre 18 des nombres. On y va. Chapitre 18 des nombres. On va aller partir du verset 20. Je peux lire. Bon, quand vous allez noter Exode chapitre 12. Ok, donc nombre chapitre 18, verset 20 et suivant. On va lire maintenant, d'accord? L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Verset 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme dans l'église. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Vous pouvez dire amen à ça. Vous pouvez vraiment dire amen à ça. Je recommence encore ce qui est écrit. Verset 21. Je donne comme possession aux Lévites toute dîme dans l'église pour les services qu'ils font chaque dimanche. Amen. Amen. Vous pouvez dire amen. Il y a vraiment le lecteur de la Bible devant moi maintenant. Je recommence encore le verset 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme dans l'église pour le service qu'ils font chaque dimanche le service de l'église. Comment tu lis maintenant? C'est quoi, mon cher? Ah, j'ai lu la Bible seulement. Non, c'est le passage qui est fait pour sonner avec moi. Comment tu lis, mon cher? Est-ce que ce que j'ai lu, c'est ce qui est écrit? Non. Donc, en fait, j'ai lu la manière dont ils lisent. Mais pourtant, ce n'est pas ce qui est écrit. Maintenant, je lis. J'ai dit amen pour vous observer. J'avais dit amen. J'ai dit, j'ai dit vraiment... Non, tu as dit amen. Je n'ai pas dit amen. Tu as dit amen, j'ai lu encore. C'est pour ça que vous avez la Bible. J'ai dit que regardez. C'est à cause du fait que vous ne regardez pas. Quand tu as dit qu'on dit amen, j'ai lu ici. J'ai dit, vous pouvez dire amen à ça. J'ai dit service. Je vois ici, il n'y a pas l'église dedans. On dit Israël. Quand tu me dis l'église, hein? Amen. Ok. Il pose la question, comment donc ils font pour que les gens disent amen? Ah, parce qu'ils ne lisent pas. Uh-huh. Donc, c'est pour ça que je m'attiens. J'ai dit, j'attends que vous lisez, vous ouvrez vos Bibles. Je lis, vous lisez, vous voyez si c'est ce qui est écrit. Parce qu'il dit que, un, ce sont les enfants de Lévi. ça devrait régler le problème à partir de là, parce qu'il n'y a pas de lévite dans l'église. Donc ça ne concerne pas. Puis, la deuxième chose, c'est que toute dîme d'Israël, l'église n'est pas la nation d'Israël, n'est-ce pas? Parce que dans l'église, il n'y a pas le fils d'Israël qui est qu'on appelle Lévi. C'est dans l'église, ça ne se trouve pas. D'accord? Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de tente d'assignation. Il n'y a pas de Lévi. C'est compris, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà ce qu'on appelle dans la première dîme. Donc dans la première dîme, le peuple devait venir payer. On dit, les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente de destination de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Si vous êtes vraiment calme, je vais prendre au même une heure pour enseigner sur ce que la Bible avait par perpétuel tout au long des Écritures. Il dit, verset suivant, je donne comme possession, donc voici les droits, aux Lévites, les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est ce que tu as promis, c'est les dîmes, n'est-ce pas? Les enfants d'Israël, parce qu'ils sont 12, un tribu appelé les Lévites, dont les autres enfants, les 11, vont venir chacun pour ne pas donner au Lévi. Donc voilà donc le premier style des dîmes. Il dit, présentera à l'Éternel par élévation, c'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Parce qu'ils ont déjà une occupation. Ils vont pas aller chercher une occupation, comment faire pour vivre. Leur rôle, c'est faire le service pour expier le péché. On va amener les chefs pour, c'est à eux de brûler cela, nettoyer, faire les trucs là-bas, enlever les réunions, ainsi de suite, pour rendre service par rapport à cela. Pendant que cela traverse au champ, en retour, ils amènent la dîme parce que ceux-ci n'ont pas le temps d'aller travailler au champ comme eux. Tu as bien compris, non? Donc, ils n'ont pas de possession, ils n'ont pas le temps pour aller là. Ça va, ma soeur? On avance? Mm-hmm. Oui. En fait, quand on était à Abidjan, oui. On nous disait que nous sommes tous Israël. Vraiment, hein? Oui. Okay, les pasteurs nous ont dit ça. Et... Non, c'est par rapport à la dîme. Non, non. Et quand ils disent comme ça, mm-hmm. Toi, tu es quelle tribu? Moi, je ne suis pas Israël. Non, avance dans sa conversation. Mm-hmm. Après avoir dit que nous sommes tous Israël, mm-hmm. Il dit que ceux qui payent les dîmes sont de quelle tribu? Je sais pas, il rentre pas dans c'est justement pays. Parce que quand il dit qu'ils sont tous Israël, c'est pour vous détourner, pour que vous payiez. Mais justement, c'est ce qu'ils font croire aux gens. Que voilà. En fait, aujourd'hui, on représente, nous les chrétiens, on représente Israël. Voilà. En fait, Israël, les chrétiens sont Israël spirituel. On ne paie pas les dîmes spirituellement. D'accord, les dîmes se paient physiquement. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est désormais, quand quelqu'un va vous dire n'importe quoi, vérifiez que c'est écrit de cette façon-là. Parce que tout à l'heure, on va aller dans le verset où on dit l'homme ne se présentera point devant l'Éternel le même vide. Comme on utilise pour dire qu'on ne vient pas voir l'homme de Dieu le même vide. Il faut qu'on regarde là où le verset dit. On va relire maintenant comment le verset dit. Pourquoi ne vous mettez pas quoi que ce soit n'importe où, André, c'était les versets n'importe comment. Vous comprenez? On peut avancer les frères, ou bien vous n'êtes pas content. Verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit. Verset 25 maintenant. Verset 25 de Nombre chapitre 18. L'Éternel parla à Moïse et dit. Tu parleras aux Lévites. Tout à l'heure, en haut, il a parlé aux enfants d'Israël. Que lorsque vous allez percevoir une dîme, c'est pour Israël, c'est pour Lévite. Verset 25 maintenant, il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Alors, je vous ai dit ça, n'est-ce pas? C'est la deuxième partie. Donc, quand le Lévite perçoit la dîme, qu'est-ce qu'il fait en retour? Il prend une dîme qu'il va aussi donner à ceux-là. On peut aller maintenant au chapitre. Allons dans le livre des Nombres maintenant. Dans le livre des Deutéronome. Exode 12. Vous avez dit que vous notez Exode 12 parce que si le temps était, je serais venu là-bas pour vous montrer par rapport à la loi perpétuelle. Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 21. Vas-y. Commençons au chapitre 14 d'abord. Vous allez voir comment c'est amusant. Deutéronome chapitre 14. Chapitre 14, oui, c'est bon ici. Chapitre 14, à partir du verset 22. Nous étions dans un livre, dans le livre des Noms, dans le livre des Deutéronomes. Il y a des choses qui reviennent dans le livre de Lévitique, Noms, c'est la même chose qu'on revient encore, d'accord? Verset 22. Tu peux lire, mon frère? Si tu vois. Non, chapitre 14 des Deutéronomes. Ah, chapitre 14 des Deutéronomes. Deutéronomes. Oui. Il dit, tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que ton champ rapportera chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choisira pour y faire résider son nom. J'ai dit ça ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Bon, relis encore le verset. Tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Quand? Le verset n'est pas fini, frère. Ah, ok. De ce que ton champ rapportera chaque année. Souligner chaque année. Vous avez le problème, n'est-ce pas? Donc, si vous lisez la Bible, vous ne prêtez pas attention, on va vous dire faire dire n'importe quoi. Et si, cette dîme, si on fait comment? On commence à s'use. Chaque, dans la période, c'est un an. La période, c'est un an. Et cette dîme, si concerne la personne qui mange. On a bien dit, tu vas venir avec la dîme, tu vas prélever la dîme. Chaque année, tu vas manger quoi? Le fruit de ton champ. Mm-hmm. Continuons. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu. Est-ce qu'on a dit que cette dîme, s'il paye quelque part? Non. On a dit qu'il fera quoi? Il paiera devant l'Éternel. Vous avez vu le frère là? Il mangera. Il ne paye pas. Il ne prend pas là où Dieu est pour donner à quelqu'un. Parce qu'on a dit, c'est pour ça que les mots sont importants. J'insiste. C'est pour ça qu'il insiste avec elle. Pour qu'elle dise non, je participe. En fait, on n'a pas dit, tu viens, tu donnes à quelqu'un. Parce que Dieu avait voulu que tu donnes à quelqu'un, il dit que j'étais prescrit de donner. Parce que pour la dîme des lévites, il a dit que quand tu viens, tu cherches un lévite, tu lui donnes. Ça, c'est la dîme à donner. Quand c'est pour la dîme à manger, tu dois arriver à manger. On va nous expliquer donc comment. Il dit quoi? Il dit la chose qu'on appelle la dîme à manger. 2. La période qu'il faut que ça se passe. 3. Comment ça doit se passer. 4. Et où ça doit se manger. Donc, il donne les 4 informations. Est-ce que nous devons discuter avec Dieu? Non. Lisons encore. Maintenant, verset 22, il veut lire. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. La semence est censée produire. On a dit ton travail. On a dit, tu vas prendre le salaire de ton fait. Est-ce qu'on a dit ça? Non. Voilà. Il dit que ta semence, de ce que rapportera ton champ. Ton quoi, frère? Ton champ. Voilà. Chaque année. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que... ceux qui ne font pas de champ. C'est que tu ne rapportes pas parce que tu n'as pas de champ que tu as rapporté. Tu ne fais rien. Il faut forcément le champ. Non, pas qu'il faut forcément le champ. Parce qu'il y a des gens qui sont pauvres, qui attendaient seulement ça. Ils sont pauvres, ils doivent attendre. Si tu arrives quelque part, il n'y a pas que celui qui n'a pas donné, tu ne fais pas. Même toi, tu ne manges pas. Tu comprends? Ça veut dire que si tu as un champ, c'est si tu es concerné. Si tu n'as pas de champ, tu vas aller voler dans un champ autrui. C'est pour ça que tu avais prévu que ceux qui n'ont pas de champ, quand ils vont passer dans le champ de quelqu'un, ils peuvent manger là-bas. Si on a des glanés, vous avez vu le livre de Ruth, où les gens glanaient, Dieu avait prévu que si on glane, ce qui tombe à terre ne ramasse pas. Les gens étaient derrière, ce sont savaient que quand ils sont derrière, ils attendent que ça tombe, ils ramassent. Et Dieu avait fait ça pour qu'il y ait l'équilibre. Dieu ne voulait pas qu'il y ait des indigents parmi eux. C'est pour ça que lui pouvait aller là-bas, il va glaner dans le champ de quelqu'un. Puis parfois on enlève le café, quand ça tombe, pas, c'est pour eux. Si tu oublies un truc, tu traverses, là tu ne peux toucher, c'est pour les pauvres. Donc les pauvres venaient manger. Dieu a fermement équilibré les choses du 35 que. Frère, je ne coupe pas, j'accompagne seulement. Mm-hmm. Quand il y a la saison de mangue dans le monde, la saison de pluie, quand il y a le vent qui passe, les gens se lèvent très tôt. Hein, c'est ce qu'on me faisait. On se à 5, on se prend le saut. Tu prends ton sac, tu ramasses dans tous les champs. Oui. Personne ne peut te dire qu'est-ce que tu fais dans les champs. Tu ramasses. Mais si tu montes en haut là sur le vol. Si tu montes, on t'arrête. Tu vois cela, n'est-ce pas? C'est comme ça. Hein? Donc, merci. Donc, Dieu avait prévu que si tu n'as pas le champ, c'est que c'est pas. C'est que ça ne dit. Parce que si tu es comme ça, c'est que le lépreux qui est là-bas qui ne fait rien. Comment il va faire pour payer la dîme? Il n'a rien. Tant que ton champ rapporte, tu dois payer. Tu vois, même si là, dans la loi de l'État, c'est normal. Si tu ne savais pas, tu vas payer l'impôt. Quoi, quel impôt? Tu payes l'impôt. Dès que tu ouvres une boutique, un impôt, tu dois te conformer à la loi. Parce que la loi dit que pour tous ceux qui sont dans tel secteur, à tel niveau, ils doivent payer les impôts concernant. Maintenant, je n'ai pas de boutique, je paye quel impôt? Tu comprends un peu, n'est-ce pas? Donc, on recommence encore. Verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Nous comprenons que c'est la semence. De ce que rapportera ton champ, nous comprenons que c'est le champ. Chaque année. Maintenant, le pasteur dit que non. Ton champ peut être ton travail. Quand il disait ça, il y avait des travailleurs. Il y avait les gardes du corps du roi. Il y avait les fonctionnaires. Là, quand il disait, il n'a pas fait l'ambiguïté. Il parle du champ. D'accord, ma chère? C'est pour ça que même dans Matthieu 23, il va dire que vous payez la dîme de la menthe. La menthe, c'est que j'ai un produit du champ. Et du cumin, c'est un produit du champ. Voilà. Même Jésus est venu, il n'a pas fait le. Moi, c'est pas le terme. Mais ça, la menthe, ça c'est que le produit que vous avez là, plus ça c'est fini, non? Mais ça sort d'un fruit, d'un arbre. C'est ça qui dit que ça va avoir le temps. Oui. On continue. Et tu mangeras. Et tu mangeras. On n'a pas dit que tu donneras ça qui va être. Tu mangeras. Devant l'Éternel. Tu vas faire ce que tu vas faire avec ça. Tu manges. Un. Devant l'Éternel. Dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Donc si tu dis, ah! Dieu est partout. Même ici chez nous, Dieu est partout. Oui, il est partout. Mais il y a un lieu qu'il avait fait choisir pour y faire résider son nom. C'est pour ça qu'il va donner une punition si on mange cela hors de sa porte. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile et les prémices de ton gros et de ton huile de terre afin que tu apprennes à craindre Dieu tout, à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Tu vois qu'on a cité chaque fois, c'est concerne les choses naturelles du champ. Amen. Continuons. Verset 24, Dieu donne la solution maintenant, c'est Dieu qui pose les questions, il voit la problématique maintenant. Parce que, si vous êtes par exemple, si tu es à Abidjan, il prend le cas de la Côte d'Ivoire, si le lieu où Dieu a fait résider son nom, c'est à l'aéroport Boufébéné d'Abidjan, et que toi tu es par exemple à Bonoa, si tu es à Bonoa, n'importe où, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ou à l'est, n'importe où, chaque année, tu dois quitter là-bas. Pour venir là où Dieu a désigné pour faire lever son nom pour manger ses dîmes. Quand tu rentres maintenant, tu peux faire n'importe quoi. Maintenant, Dieu trouve la solution. Si tu es à Bonoa, en ce temps-là, il n'y a même pas d'avoir la voiture pour se déplacer facilement. Et que le lieu est loin. Tu as les pastèques que tu dois porter, les plantains que tu vas porter, les beignets, les tarots que tu dois porter pour arriver là-bas. Ça sera long, n'est-ce pas? Voici ce que Dieu dit. Verset 24. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme. L'argent ne pèse pas pour transporter. Donc la dîme, c'était la nature. Transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'il aura choisi ton Dieu pour y faire résider son nom. Dieu donne la solution. Comment tu vas faire? C'est dans ce seul cas qu'ils disent qu'on change en argent. Dans sa livre, la dîme n'était pas en argent. Il dit verset 25. Alors tu échangeras ta dîme contre l'argent. Donc la dîme n'a rien à voir avec l'argent. Parce que d'abord, ce n'est pas d'abord l'argent. C'est à cette condition aussi qu'il dit qu'on échange cette dîme. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué là? Ou bien j'arrête aujourd'hui comme ça? Il dit ça, c'est dans ces conditions-ci. Dans ces conditions-ci que tu dois échanger ta dîme contre de l'argent. Donc ce verset-ci montre clairement que la dîme, depuis Dieu ne parle même pas de l'argent. Parce qu'il dit que dans ces conditions, tu échanges la dîme contre de l'argent. Puis il dit, et même quand les gens contre de l'argent, quand tu arrives sur place, tu dois encore échanger ça contre la nature. Regarde. Verset 25. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu saisiras cet argent dans ta main. Parce que maintenant, si tu as l'argent, même 400 euros dans ta main, tu marches là, ça ne peut pas te peser en route. Pourtant, si tu avais porté un plantain, ça de Macabo, tu ne peux pas faire 2 km avec pour arriver là où Dieu a fait régner son nom. Maintenant, il dit, alors tu échangeras ta dîme. Comme tu n'étais pas là, on a lu le verset intéressant ici. Nous sommes au verset 25. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Donc nous avons compris que ça veut dire que la dîme d'abord n'était pas de l'argent. Parce qu'au verset 24, il avait dit que si peut-être la position de ta maison par rapport à là où Dieu a fait résider son nom est éloignée. Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour transporter ton produit, pour que ta dîme, pour que ça ne pèse pas? Il dit dans ces conditions-ci, tu échanges ta dîme contre de l'argent. Donc s'il y avait les ananas, les papayes qui devaient aller avec cela, je vends ça. On me donne l'argent correspondant. Je marche avec cette personne, l'argent n'est pas espoir. Je vais donc dans le lieu où Dieu a fait aider son nom. Verset 25, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là. Donc, dès que j'arrive, qu'est-ce que je fais? Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que ton cœur désira, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Je crois que c'est un peu plus clair. Ici, il n'y a pas d'ambiguïté pour que quelqu'un dise qu'il ne comprend pas français. C'est simple. Moi, j'avance. L'autre type encore avance. Verset 28. Verset 28. Ça commence par quoi? Tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Vous avez entendu, n'est-ce pas? La dîme précédente, c'était chaque 3 ans. Non, la dîme précédente. Chaque année. Il faut bien faire attention. Oui. Chaque année. Allons ici. Tous les 3 ans. Oui. Tu sortiras toute la dîme des produits que tu auras obtenu durant ces 3 années. Vous avez entendu, non? Donc, voici la dîme. Chaque 3 ans. Ce que tu manges, c'est chaque. Non, c'est que tu manges chaque année. Chaque année, tu dois aller manger dans le lieu. Ici, c'est, on va voir pour qui c'est destiné. Il dit que tous les 3 ans. Donc, pour les 1 an, chaque 1 an, c'est ce que toi-même tu manges avec ta famille. Et pas n'importe où, pas chez toi. Là où Dieu a fait rester son nom. Ici maintenant, c'est chaque 3 ans. Verset suivant. Alors. On dit que tu vas le retirer. Le verset final, en disant que tu vas le déposer où? Il dit le verset 28. Verset 28. Tous les 3 ans, tu sortiras toute la dîme. À haute voix, frère. Tous les 3 ans, tu sortiras toute la dîme des produits que tu auras obtenus durant ces 3 années et tu le déposeras dans ta ville. Mm-hmm. Alors, les Lévites qui n'a ni pas ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui habiteront dans ta ville, oui, viendront et ils mangeront à satiété. Oui. Ainsi, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. On a vu, non? Donc, les dîmes sont contenus là-bas. Depuis, tu as de voir effectivement l'impossibilité de qu'un chrétien d'obéir à tout cela. N'est-ce pas? Parce que même si même là, le prochain bandit pense à quoi aller fumer le banga. Parce qu'on a dit que c'est pour les Lévites, les étrangers, les orphelins. Bon, maintenant, nous sommes au niveau des 4 styles de dîmes. On est passé le 4e. On peut résumer qu'on a vu dans Nombre chapitre 18. On a vu que les Lévites doivent préserver le peuple. Le peuple devait venir donner aux Lévites. Les Lévites devaient prendre et donner aussi au quoi? Aux sacrificateurs. Et puis on a vu dans Deutéronome aussi, chapitre 14, le fait qu'il y a la dîme de chaque année que toi tu vas manger. On vient de voir aussi la dîme maintenant des orphelins et des œuvres que tu vas mettre à la maison chaque 3 ans. N'est-ce pas? Depuis qu'on a donné, tu as entendu un par mois là-dedans. Tu as entendu l'argent que tu as donné à quelqu'un. Maintenant, il manque un 5e style de dîme. 1 Samuel chapitre 8. Donc, vous pouvez également noter Deutéronome chapitre 26. C'est parce que la dîme de la 3e année, si, il revient encore. 1 Samuel chapitre 8. Samuel chapitre 8. Partir du verset 1. Gardez le livre de Deutéronome parce que dès qu'on finit là, on va faut corriger rapidement parce qu'on touche de l'argent là. Samuel chapitre 8. Alors maintenant, j'explique dans l'histoire rapidement avant qu'on y tombe. Israël va sortir sous Moïse. Chaque fois, Dieu va les guider par les prophètes, Dieu voulait régner sur Israël. À un moment donné, dans le chapitre 7 de Samuel, ils vont réclamer un roi. Voici là où Israël a créé le schisme entre lui et Dieu. Ils vont dire à Samuel que établir un roi sur nous qui va régner sur nous comme les nations ont fait. Il a commencé à vouloir imiter le monde au lieu de rester tranquille. Et laisser Dieu les guider comme il les a toujours guidés. Il voulait l'intermédiaire d'un roi humain. Et le plus grave, c'est que il ne dit pas Seigneur, demande, il ne dit pas à Samuel le prophète, que demande un roi selon le modèle que Dieu veut. Ils disent comme les autres nations. Pourtant, les autres nations n'ont pas le vrai Dieu. N'est-ce pas terrible de vouloir imiter les gens du monde? C'est pas ce que l'Église a fait aujourd'hui. Hip-hop quoi? Chrétien. Rap. Fini. Rap. Chrétien, pique-nique, chrétien, la natation, chrétien, Miss Master, chrétien, comme le monde. Continuons. Oui. chapitre 8. Prenez bien le temps dans des listes là, d'accord? Lisons le verset, on va prendre quel verset? Je suis dans 1 Samuel, oh, moi j'ai ouvert 2 Samuel. 1 Samuel chapitre 8, qu'est-ce que ça dit au verset 15? Je vais lire rapidement, parce que si vous demandez de lire dans la main. Donc, quand ils vont demander le roi donc, Dieu va dire à sa mère que dis-le quels seront les droits du roi. Il va dire, il va prendre vos filles pour en faire, je ne sais pas, fumer et les danseuses. Ils vont prendre de vos terrains, ils prendront ceci. Puis au verset 17, maintenant, il va dire, il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc, quand le roi vient, il va prélever la dîme. Donc, si tu dois payer la dîme, n'importe comment, tu payes la dîme du chef de l'État. Voilà les saints qui le disent. Rentrons dans le livre des Nombres, dans le livre des Deutéronomes, chapitre 16. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons de la fondement, de la fondation, le fondement qui est renversé, ce que le juste doit faire. Donc normalement, après avoir vu que c'était un mauvais fondement, on doit poser la question, ok maintenant, qu'est-ce que la Bible dit que je vais faire mes biens? C'est-à-dire que, ok, je ne dois pas payer la dîme. Ce n'est pas presque que je dois faire la dîme. Maintenant, qu'est-ce que la Bible enseigne par rapport à ce que je dois faire? La question c'est là qu'il répondit. Et maintenant, on va dans la Bible, on voit donc comment les chrétiens faisaient donc avec leurs biens. C'est là où on touche la question de notre soeur qui pose la question. On voit comment les chrétiens vivaient ainsi et ainsi. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas ça aujourd'hui? Parce qu'on a tellement embrouillé les choses. Et maintenant, c'est devenu maintenant la classe des pasteurs. C'est un privilège d'être pasteur. Il n'est pas des vôtres. Il faut qu'il ait de l'eau minérale de ce côté sur le ventre. C'est à dire sur lui. Vous restez comme ça. Et puis le salon, le salon. Et vous lisez la vidéo, vous voyez effectivement que Dieu dit que si quelqu'un fait cela, il y a un mauvais esprit qui l'a poussé. Deutéronome chapitre 16. On va. Versets 13 et suivant. Regardez. Tu célébreras. Je veux qu'on suive très attentivement. On va corriger encore notre fondement aussi qu'on a introduit dans le corps de Christ, dans le milieu de l'Église qui n'a rien à voir avec nous. D'accord? Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Quand tu recueilleras le produit de ton air et de ton pressoir, tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante et l'olivier, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Verset 15. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Dans le lieu, une fois que voilà l'expression encore, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains et tu te livreras entièrement à la joie. Donc ça, c'est Dieu disait que quand vous venez faire les travaux, vous venez vous demander, vous dansez, vous livrez à la joie grave seulement. Maintenant, verset 16, voici le verset 16. Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains, parce qu'on a dit trois fois, à la fête des pains sans levain, un, à la fête des semaines, deux, et à la fête des tabernacles, trois. Voilà les trois fois par année. Parce que chaque année, il y a trois grandes fêtes où on doit aller à Jérusalem pour fêter. La fête des pains sans levain, la fête des semaines, la fête des tabernacles. Trois fois par année, il dit tous les mâles. Il n'a pas dit que les femmes soient là. Tous les mâles doivent se présenter. Puis il dit, on ne partira point devant l'Éternel les mains vides. Qui ne partira point devant l'Éternel les mains vides? Tous les mâles. Tous les hommes. Alors, quel style de mâle? En quel moment il ne doit pas se présenter devant l'Éternel les mêmes vies? À quel moment? Quelle période? Pendant les trois fêtes. Parce qu'il ne doit pas venir à la fête. Les gens sont venus danser, ils viennent là pour voir les gens. Parce qu'il vient là pour se réjouir. Maintenant, les pasteurs princes là, pour dire que tu ne dois pas se présenter devant le serviteur de Dieu. On a écrit serviteur de Dieu ici. Vous avez moi. Hein? Est-ce qu'on a écrit ici, tu ne viens pas chez le prophète de Dieu les mêmes vies? Non. On a écrit ça comme ça. On vient devant l'Éternel, là où il a fait pour y résider son, durant les trois fêtes annuelles. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. Parce que là, c'est une fête de réjouissance. Ce sont les fêtes de réjouissance. Et il dit que les mâles doivent se présenter au devant de lui. D'accord, frère? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez lire dans Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. Exode maintenant. On finit là-bas par rapport à cette correction-ci. Exode chapitre 23, le verset 17. Parce que là, nous avons lu dans Deutéronome chapitre 16. Exode chapitre 23, verset 17. Maintenant, regardez. Vous y êtes. Trois fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Vous avez vu en quel mois, non? Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai ordonné, enfin, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'homme ne se présentera point à vide devant ma face. Donc, ce qu'on a dit dans le livre, dans Deutéronome 16, le verset 15 à suivant, voici ce qu'on a encore redit ici. Il a donc cité la fête, dans l'occasion qu'on ne devait pas venir en même temps, parce que tu viens pour la fête, pour te réjouir. C'est à cet instant-là qu'il fallait venir, donc, le mal devait venir pour se réjouir avec ces choses-là. Alors donc, c'est vraiment dit désormais, quand les pasteurs vont vous parler n'importe quoi pour prendre de l'argent, vous devez vérifier d'abord comment c'est écrit, la manière dont c'est écrit. Amen. Mais quand tu vas te réjouir devant l'Éternel, Dieu l'a fait qui? Qui ça? Quand là, il a dit, tu viendras, tu te réjouis devant lui. Oui. C'est qui Dieu devant lui? Comment se réjouit devant lui? C'est ce qui était prescrit pour Israël. Ils avaient leur fête. Dans le Nouveau Testament maintenant, on a vu par exemple Jésus qui partait quand il avait 12 ans. Avec sa maman, il montait à la fête à Jérusalem pour aller se réjouir en famille. Au point où quand ils ont fini, en rentrant, ils ont oublié Jésus dans le temple. C'est cette fête-là qu'il partait là-bas fêter. Il partait en famille, chacun montait avec les choses qu'ils vont faire. Ils arrivent là-bas, chacun trouve le temps, les tentes, ils se mettent en tente, ils se réjouissent là-bas, ils mangent. Ils célèbrent la fête de l'Éternel, ils chantent le cantique de Dieu, ils remercient Dieu pour ce qu'il a fait pour eux. C'est ce qu'ils faisaient. Parce que c'est à Jérusalem. Même Jésus, parce qu'ils étaient à Nazareth. Ils quittaient Nazareth pour aller à Jérusalem. D'accord? Autre question. Alors, la Bible déclare qu'il n'y a point de pouvoir contre la vérité. Toute personne qui touche la Bible en voulant tordre comme ça pour avoir de l'argent, lorsque la vérité sort, tu ne pourras pas te défendre. Parce que Jésus, quand il était dans le désert, le diable est venu vers lui. Il dit, fais telle chose. Il dit, il est écrit. Quand il est écrit, il était présenté, Satan ne pouvait rien faire. Ah, prostitue-toi, adore-moi. Il est écrit, tu adoreras uniquement. Dieu a lutté contre Satan uniquement avec les Écritures. Si tu parles ton raisonnement en disant, mais ton champ, mon champ peut être mon argent. Si Dieu voulait dire champ et argent, il ne confond pas les choses. Parce que là-bas, il a dit, quand tu vas vouloir partir, prends de l'argent. Parce qu'il dit, échange ta dîme contre de l'argent. Donc, en cette période, il y avait de l'argent. Mais il n'a pas prescrit la dîme, l'argent. Tu as vu cela? Donc, si vous voulez dire argent, il devait dire argent. Nulle part, il n'a jamais commandé la dîme en argent. Alors maintenant, si on a dans ce raisonnement-là, on se trouve sur le territoire du diable. Parce que lui qui dit, si tu es fils de Dieu, fais alors que... C'est pas comme ça. Il est fils de Dieu, point final. Tu comprends un peu, n'est-ce pas? Je ne vais même dire que, ok, frère Junior, si tu es un garçon, fais les pommes. Ça veut dire que si je fais les pommes, c'est là où je suis un garçon. Non. Un garçon ne se définit pas par les pompes. Parce qu'il y a des filles qui font les pompes comme ça, là, puis tu tournes les gars comme ça, tu vois les seins, tu dis, hey, il ne peut même pas faire les pompes que ça, c'est fait. Pas vrai? Il y a des filles que, elles mettent la main comme ça, que voici le bras, si. Fais le bras de fer. Tu vas pousser avec tes deux bras, tu ne peux pas mettre ça au sol. Tu la regardes comme ça, après, elle dit que, alors c'est une fille. Donc, ce n'est pas sur ça qu'on, les bras de fer ou les pommes qu'on définit un fille et un garçon. Alors, de la même façon, pour définir quelque chose chez Dieu, c'est selon il est écrit. Il est écrit, donc, est le fondement, la base pour toute écriture, pour toute personne qui veut servir Dieu de la bonne manière. D'accord? La Bible déclare dans 1 Corinthiens au chapitre 4, à partir du verset 2, il dit du moins, ce qu'on demande à chaque dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. On doit être fidèle à ce qu'on a dit. Et au verset 6, il dit, c'est pour cela qu'il a fait l'application de ces choses en sa personne et à la personne d'Apollos, afin qu'on apprenne en leur personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. On ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc chaque personne veut te dire n'importe quoi. Ma soeur, dis-moi, est-ce que c'est écrit? Maintenant, les choses qui sont écrites et qui sont importantes, ils n'insistent pas dessus. Ils négligent. Les choses qui ne sont pas écrites, ils insistent sur ça. Paye ta dîme. Maintenant, je viens vers eux. Je dis que quand une femme prie, ou qu'elle prophétise, elle doit avoir quelque chose sur la tête pour se voiler. Il dit, oh non, vous dérangez, ce n'est pas, on n'est pas sous la loi. Pourtant, 1 Corinthiens chapitre 11 dit, toute femme qui prophétise ou qui prie sans avoir la tête couverte déshonore son chef. Voilà ce qui est écrit dans la Bible, noir et blanc, mais il ne peut pas faire. Un seul verset, Jacques chapitre 5, verset 14. quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'ils appellent les anciens et que les anciens prient en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis quelques péchés, il sera pardonné. Le pasteur voit le seul verset là. Il dit, achète-moi l'huile d'olive là-bas. Viens, 5000, prends. On n'a pas dit qu'on achète l'huile d'olive. On a dit qu'on appelle les anciens, que les anciens mettent l'huile sur les mains, ils prient en loignant. Mais eux, avec ce verset, ils vendent l'huile. Au point où ils vendent même l'eau de Salomon. La terre d'Israël. Le rocher sur lequel le sang de Jésus-Christ a touché. Mais ce qui est dans la Bible, que comment faire pour qu'une femme entre dans la présence de Dieu, comment couvrir son corps normalement, on n'enseigne pas. Mais quand nous on enseigne ça, on dit vous dérangez. Mais eux ils enseignent ce qui n'est pas scripturaire. Mais quand on vient dans la Bible, on dit que non, vous voulez comme ça, faire comme ça, que les femmes s'habillent comme les grands-mères. Elle a dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. C'est ce qui est écrit. Oui. De la dîme depuis. Oui. Moi, ce que je comprends aujourd'hui, parce qu'il y a tellement d'enseignements par rapport à la dîme. Oui. On lui dit que je comprends, oui, pour avoir le travail, il faut payer la dîme. Il faut créer le travail pour payer la dîme. Banaloba. Et il y a tellement de messages par rapport à la dîme que même pour être guéri, il faut payer la dîme. Entendez, non. Vous m'avez entendu. Il y a des messages par rapport à ça. Oui. On dit peut-être même que peut-être que ta guérison ne vient pas parce que tu ne payes pas la dîme. Tu ne trouves pas le travail parce que tu ne payes pas les dîmes. Parce que tu ne payes pas les dîmes. Attendez, non. La majorité des pasteurs parlent de sang de Dieu. Et si ta famille est maudite, donc si tu as des problèmes sur le budget, ça veut dire que tu ne payes pas la dîme. Oui. Et si c'est biblique? C'est pas biblique. Alors ça veut dire que ce sont eux les fausseurs. C'est pas le problème. C'est pas toi qui as le problème. Oui, et je comprends dans tout ce que tu es en train de parler aujourd'hui, frère. Je comprends que la dîme que nous devons payer, c'est la dîme de notre vie. De votre vie. Mais en fait, Dieu ne veut, c'est là où on touche maintenant la révélation du Nouveau Testament. Jésus ne veut pas une partie de notre vie. Il veut la totalité. C'est là où on entre maintenant dans la pleine vie chrétienne. 100%. Parce que si la vie chrétienne, c'est dîme, cette personne, chacun peut donner cela. La Bible déclare à vos apôtres que chacun vendait les champs qu'il possédait et venait déposer tout le prix au pied des apôtres. On fait la distribution. Mais un homme, Ananias et Saphira, quand ils ont vendu, ils ont pris une partie gardée. Vous allez mettre comme ça, on dit que c'est comme ça que l'évangile est dérangé. Donc, on va vous donner tout l'argent, vous allez travailler quoi. Je m'excuse. Oui. Quand j'ai lu aussi Hébreux 10, oui. Parce que vraiment, c'est pour ça que le Saint-Esprit nous appelle vraiment une intimité à l'élève. Amen. Pour ne pas vraiment être ballotté par tout vent des doctrines. L'intimité personnelle est bien avec le Saint-Esprit. Écoutez ici. Méditer beaucoup la parole, avoir l'intimité avec Dieu. Parce que même quand nous écoutons les messages, il faut vraiment avoir la parole de Dieu. Amen. Et je veux. Verset 27. Je veux compléter Hébreux 10. Que nous parle ici. Jésus-Christ parle ici de. Il parle qu'il n'a plus besoin de sacrifice. Ni de l'Holocauste. Il n'a agréé ni le corps du sacrifice. Mais tu m'as formé un corps. Tu as formé un corps. Un corps. Le corps est suffisant. Le corps est suffisant. Et c'est ce que le Seigneur nous parle ici. Le corps est suffisant. Ça veut dire que son corps. Ce que tu veux dire là, c'est que les pasteurs qui disent que tu es maudit parce que tu n'as pas reçu la dîme, ça veut dire qu'ils disent que le sacrifice de Jésus n'était pas suffisant. N'était pas suffisant. Parce qu'il dit qu'il n'a plus besoin ni sacrifice ni holocauste. Or, le pasteur dit aujourd'hui que venez un sacrifice pour que ça ouvre votre voie. C'est la sorcellerie, pas vrai? La sorcellerie. Et il dit donc, ça veut dire qu'il y a un forme, tu peux former un holocauste dans ta maison. Oui. Oui. Et quand j'entends, j'ai dit non, Seigneur, ce n'est pas ce que tu as écrit dans tes écritures. Tu as dit tu n'as plus besoin ni sacrifice ni holocauste. Et le pasteur enseigne donc que tu peux avoir un endroit, un hôtel dans ta maison où tu peux parler. C'est pas la sorcellerie, ça? C'est ça. C'est ça. Effectivement. Et tu vois qu'il dit que je n'ai pas agréé ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Un corps. Ça veut dire que quoi? L'église est le corps de Christ. Que Dieu agrée. Que Dieu agrée. Donc ça veut dire que quoi? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est trop clair ici, frère. Essaye un peu de lire pour que nous écoutions. Et Hébreux chapitre 10. Hébreux, parce que je ne vois pas bien. Tu dis, allons-y. Oui. À partir du verset 1. Et à partir du verset 1, pour que nous comprenions bien. Je vous ai bien dit ici qu'avec la pause, vous mangez la nourriture, c'est la fatigue. Tout le monde est fatigué. Quelqu'un était à côté de moi, elle a disparu de la circulation. Non, ça va, frère. Ça va. Elle est très, très puissant. On aurait dit, oui, à partir du verset 1. Verset 1. Le 10, verset 1. La loi, en effet, possède une norme des biens à venir. Et non l'exacte représentation. Et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle, et toujours répéter les mêmes sacrifices, conduite à la perfection, ceux qui pratiquent, ceux qui participent. Sinon, verset 2, Sinon, n'aurait-on pas cessé de leur offrir ce qui rend ce culte purifié une fois pour toutes? Alors, donc, il faut qu'on explique ce qu'on a dit. La preuve qu'on a expliqué ici que si les holocaustes qu'on donnait dans l'Ancien Testament pouvaient, qu'on en fait chaque année pour la purification, si ça pouvait amener les gens à la perfection, c'est qu'on ne devait pas cesser ça d'offrir, c'est que ça devait toujours continuer. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, notez Exode 12, parce que j'ai vu quelque chose dans l'écriture, je voulais expliquer. Mais vous n'êtes pas permis, vous ne pouvez pas porter maintenant. Parce que là-bas, on parlait des sacrifices perpétuels. Et quand on dit perpétuel, en français, tu as comme l'impression que par exemple, qui doit faire pour toujours. Mais maintenant, on se retrouve que Israël, ça a cessé en Israël. Et Hébreux dit que ça a cessé. On dit que c'est un sacrifice perpétuel. Alors ça veut dire que perpétuel, que la Bible en dit, ça veut dire que c'est définitif. Parce qu'ici, là, il dit que si ça pouvait ramener les gens dans la sainteté, dans la pureté, dans la perfection, c'est qu'on ne devait pas arrêter. Donc si ça s'est arrêté, c'est une indication qu'on fait chaque année, on tombe dans le même péché. On fait chaque année, on tombe dans le même péché. Donc Dieu a supprimé ça pour mettre ce qui est parfait. C'est ce qu'il veut introduire maintenant par rapport au Seigneur Jésus. Allons-y. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Oui. Ce qui rend ce culte purifié une fois pour toutes. Oui, n'aurait plus conscience de le péché. Parce que s'il vient chaque année, s'il met le mouton, il pardonne mes péchés. C'est qu'il sort, c'est que le péché c'est terminé. Mais chaque année, quand il vient encore faire, ça montre que je suis conscient que je suis pécheur. Or, la conscience du péché doit être effacée. Continue. C'est que les Marocains font. C'est ce qu'ils font chaque fois avec la fête de mouton. Continue. Et ils ne font pas selon le rite chrétien, ça n'a rien à voir. Parce que c'est s'ils prennent dans le Genèse 22 quand ça les arrange. Il dit, mais en réalité, le souvenir des péchés en rappelle chaque année par ses sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et les boucs enlève les péchés. Voilà. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu as vu? Dans le corps parfait qui devait enlever le péché du monde et rendre que les gens parfaits. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici. Me voici. Je viens. Dans le livre de vie, il est question de rouleau et il est question des moi. Ah mon Dieu. Pour faire ta volonté. Donc la volonté de Dieu, c'était quoi? Enlever le péché. Enlever le péché. Mais le taureau ne faisait pas sa volonté. Ça couvrait le péché. Quand Jésus s'est présenté, Jean-Baptiste a dit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et maintenant, Christ enlève donc ça. Il enlève donc avec toutes ses conséquences. Les gens viennent dire maintenant que il faut donner le sacrifice. Il faut bâtir un hôtel d'alliance avec Dieu. Il n'y a plus autre alliance à bâtir avec Dieu. Tu as déjà entré en contact avec le sang de Jésus-Christ, c'est terminé. Maintenant, tu marches dans l'obéissance à sa voix. Amen. Fermez d'abord les Bibles.